Vivacité, ma radio complicité. Le beau vélo de Ravel, c'est au Vivacité. Bienvenue en ce samedi 13 août. On espère évidemment que vous allez bien, que vous êtes en grande forme. Le chassé croisé, c'est vrai, reprend ses droits à l'occasion de ce long week-end de l'Assomption, sans surprise. Et on vous le confirmera, à mon avis, plusieurs fois. Le code est orange chez nous et en France, surtout depuis hier. Le code orange est aussi d'application en ce qui nous concerne. Vous le savez, avec ce long peloton composé de t-shirts orangés, ils sont déjà en forme. C'est un magnifique endroit qu'on vous propose de découvrir. Nous sommes installés tout au sommet de la citadelle de Namur. Et il y a pour emmener ces gens en pleine forme, Adrien et Olivier. Bonjour Adrien. Bonjour. Mais qu'est-ce que ça chante déjà? Libia Bouquet. Eh oui, c'est Libia Vélo aujourd'hui. Libia Vélo de Ravel dans la commune du bourgmestre Maxime Prévost, qui est un bourgmestre heureux parce que vous êtes aussi un peu ministre du Ravel quelque part, donc doublement heureux aujourd'hui. Triplement même, Adrien, puisque c'est le handicap aussi qui est mis à l'honneur aujourd'hui avec une spéciale handicap international. C'est aussi dans mes compétences et c'est vrai que le Ravel, plus que jamais, est un élément sur lequel on va miser et compter parce que c'est bon pour la santé, c'est bon pour le tourisme, c'est bon pour le plaisir et on vit une période où on en a aussi besoin et donc on va investir et continuer à le faire pour développer les réseaux Ravel. Heureusement que je reconnais votre voix parce que physiquement, avec le casque, les lunettes de soleil et le short, ça change du complet costume cravate que vous avez. Ben, profitez-en, vous ne me verrez pas trop souvent comme ça, mais c'est très agréable de participer à l'ensemble de la course aujourd'hui, sous le soleil, avec une belle ambiance, la chaleur des Namurois, et puis tous ceux qui nous viennent d'ailleurs en Wallonie et qui vont pouvoir découvrir les charmes de la vallée Namur. Et en ce week-end du 15 août, il y a même des Liégeois, Olivier. Ah ben oui, voyez qu'on n'a pas peur de faire le chemin dans l'autre sens. Avec les Molons qui sont là pour chanter, et Émilie de Kegel qui reprend Libia Bouquet en chœur. Ah oui, mais moi je connais que la version flamande. Ah bon, ça existe aussi? Non, c'est parce que je ne connais pas encore suffisamment bien parce les paroles. Parce que sinon, j'allais vous demander de nous la faire. Hein. Mais non, il fait super beau, ce serait dommage d'amener la pluie avec un chant faux. Donc, sinon, j'aurais dû dire Émilie de Kegel. Émilie de Kegel, c'est effectivement ça. Alors, vous êtes une future ex-namuroise. Oui, c'est vrai. Plus que quelques jours, plus que quelques fois dormir, quelques émissions sur Vivacité avec beaucoup de plaisir. Et après, je prends le large pour des vacances un petit peu prolongé effectivement du côté du Pays Basque et donc c'était tout à fait logique que je prenne mes jambes non pas à mon cou mais un petit peu de courage pour monter à la citadelle pour vous dire venir faire un petit coucou et un petit au revoir à l'équipe de Viva et à tous les auditeurs qui ont cette simplicité et ce courage et ces mollets bien bandés avant de partir parce que vous avez quand même une vingtaine de kilomètres à faire mais ce sera sans moi. Les mollets sont bien bandés. Oui d'accord et ça se dit évidemment. Exactement. Oui, évidemment. Exactement. Les mollets et pas les melons hein, qui chantent. On est bien d'accord, pas de lapsus. Oui, bien sûr. Merci, Émilie. Alors, moi, j'ai aussi une ex-américaine devenue belge, peut-être même wallonne, Beverly Jo Scott, qui est sans doute l'artiste qui a fait le plus de beaux vélos depuis 20 ans. Vous êtes tout dit sur le vol. Ah oui, je suis indécollable, là. On the road again today. On the road again today. Mais je vais aussi faire beaucoup de bonne musique, rock and roll, et qui sait, il y a plein de surprises. OK, ce sera à l'arrivée, hein? Oh. Ah oui, à l'arrivée, et la fête va être immense. Vous êtes venu avec plein de vos talents, vos amis? Oui, je suis venue avec Laura, la gagnante de The Voice, et Arnaud, Carmen, Mila Brune, ça va être la grande fête et rock and roll. Ok, est-ce que je peux vous demander de donner le départ de ce beau vélo de Ravel? Oui, mais me roule pas dessus. Attends, je monte sur mon vélo, BJ, hop là, c'est fait, attention. Ouais. Voilà, attends, je vais quand même embrasser. Moi. D'accord, oui. 3, 2, 1, c'est ça. And go. Ok guys, go. Go, go, go, go, go. C'est parti pour ce beau vélo de Ravel. Exceptionnel. Une belle petite gaillole. Énormément d'ambiance avec même la petite gaillole derrière nous. Oui, parce que le bien bouquet en boucle pendant un quart d'heure, ça commençait à lasser. Donc ils ont quand même varié un petit peu le répertoire, les molons. Sylvie, oui. On quitte la citadelle. Dites-nous par où on va aller là. À gauche. D'accord, à gauche, d'accord. C'est par là. Vous allez voir un panneau route merveilleuse. Eh bien, vous la prenez. Pour la fin. Ah, c'est pour la fin, d'accord. Ben, je voulais déjà aller vous faire aller dans le mauvais sens alors. Très bien, bon, direction Bois de Villers, direction Malonne. Vous verrez de beaux panoramas sur la vallée de la Sambre. Panorama qu'on vous traduira bien entendu en images, puisque c'est ça le secret de la radio, c'est de vous donner des images via vos oreilles. Direction Wépion aussi, ce sera tout à l'heure pour l'Alt Ravitaillement, cité de la fraise bien sûr. Le point de vue des sept Meuses, vous en avez déjà entendu parler, eh bien les ravelistes le verront et vous le verrez sans doute en télé et en images sur la page Facebook et demain déjà en télé à 13h35. Allez, c'est parti avec Charlie Puff dans les oreilles. Bienvenue à tous. 13h-17h, le beau vélo de Ravel sur Vivacité. I'm only one call away. I'll be there to save the day. Superman got nothing on me. I'm only one call away. Call me baby if you need a friend. I just wanna give you love. Come on, come on, come on. Reaching out to you, so take a chance. No matter where you go, Charlie Puff sur Vivacité en direct de Namur, en direct de la Citadelle. C'est là où nous avons planté notre décor, nos installations ce samedi 13 août. Et c'est là que vous viendrez peut-être nous rejoindre ou que vous suivrez, j'espère, si vous n'êtes pas des nôtres, cette émission en direct jusqu'à ce soir. Et cette émission en télé demain 13h35. Dans quelques instants, des nouvelles du peloton. Cet été, Vivacité tient une forme olympique. Ce lundi 15 août, de 14 à 17 heures, retrouvez-nous en direct de la Rio House à Ostende pour vibrer au rythme des JO avec les athlètes belges et le COIB. Les Jeux Olympiques de Rio 2016, c'est sur Vivacité, la radio du sport. Cinq secondes, ce n'est pas assez, ce morceau en entier passe bientôt sur Vivacité. Envie de prolonger vos vacances tout en profitant d'un agréable moment de détente en famille ou entre amis? Alors rejoignez-nous à l'Hippodrome de Wallonie. Originalité, spectacles et émotions seront au rendez-vous ce dimanche 14 août à l'occasion du Grand Prix de Wallonie. Au programme, courses de qualité, bar à cocktails, show équestre et animation gratuite pour les enfants. N'hésitez plus, rendez-nous visite ce dimanche 14 août dès 14h à l'Hippodrome de Wallonie. 7 euros l'entrée, gratuit pour les moins de 16 ans. Hippodrome de Wallonie. Route de Wallonie 31, Agla ou sur hippodromedewallonie.be. Elle est pas belle la vie? Chez Bricoplanet, c'est 13 et 16 août, moins 15% sur tout et moins 25% à partir de 250 euros d'achat. Plus d'infos sur planet.be. Bricoplanet, tout pour la maison. Waouh, t'as vu cette promo sur les cubis? Oui, chez Intermarché, du 12 au 14 août, les cubis sont en 1 plus 1 gratis grâce à la carte de fidélité. Et nous sommes ouverts ce lundi 15 août. Horaire en magasin et sur intermarché.be. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse. Et si l'épargne était réinvestie à 100% dans l'économie wallonne? C'est le cas. CBC Banque Assurance. Décidez d'avancer. Vivacité et la 2 présente la nuit de feu au château des Lessines. Le 20 août, ne manquez pas le plus grand feu d'artifice de Belgique. Une heure de spectacle magistral fait d'artifice, d'opéra et de lumière. Entrée gratuite pour toute la famille. Pensez à réserver votre parking et votre pique-nique sur 070.be. Avec le soutien du Brabant Wallon, l'EF et la Loterie Nationale. Vivacité et Ouf TV présente Waouh ! Londres, Paris, Berlin, Mini-Europe. Un monde miniature où vous attendent 350 monuments reproduits à la perfection. Flânez dans ces superbes jardins et actionnez les nombreuses animations interactives. Mini-Europe, Mini-Europe, c'est géant. Et ensuite, plongez dans l'Océade à côté de l'Atomium. Vivacité présente Templeau 2016, la plus grande brocante de Belgique, les 20 et 21 août. 6 km de brocante et plus de 1500 exposants vous attendent pour ce rendez-vous immanquable de l'été. Brocante et collection commencent dès le samedi matin. La brocante de Templeau, avec le carnet des collectionneurs, l'avenir.net et Proximag. Templeau.be. Vivacité. Le beau vélo de Ravel. Depuis l'esplanade des Jeux, nous sommes depuis la citadelle de Namur. Nous resterons jusqu'à ce soir. Alors la semaine dernière, nous étions dans mon jardin, Adrien, dans l'étape de Boussy-Colfontaine. Nous sommes dans le vôtre. Et c'est vrai que vous avez donné tellement déjà l'impression de connaître tout sur tout de semaine en semaine. Ici, vous allez, à mon avis, nous emboucher un coin. Je suis certaine que vous connaissez tous les lieux dits de la région. Oui, d'ailleurs, on a quitté il y a 10 minutes à peine la plus grande citadelle d'Europe, hein, la citadelle de Namur. Et nous sommes déjà, Sylvie, au milieu du monde. C'est le lieu dit qu'on traverse et après on rentre dans la gueule du loup, c'est à l'entrée du village de Malone. Et avant de se jeter dans cette gueule, ben tenez, nous allons faire avec Olivier plus ample connaissance avec nos compagnons d'échappée. Et en ce qui vous concerne, Olivier, c'est une compagne. Oui, exactement. Amélie, qui est la directrice de l'Office du tourisme, Amélie Lefebvre. Bonjour Amélie. Bonjour. Alors vous avez accepté cette mission de nous guider. C'est devenu votre métier depuis le mois d'avril, finalement, d'être l'ambassadrice touristique de la ville de Namur. Oui, c'est tout à fait ça. Donc vous allez nous faire découvrir cette région. Et on parlait de ces lieux dits. Vous savez le nombre exact? Il n'y en a rien que pour l'entité de Malone qu'on traversera tout à l'heure. Alors rien que pour Malone, on en a 187. On ne va pas tous les citer, Adrien, je vous rassure. Trois fois plus que le nombre d'États, par exemple, aux États-Unis, hein, pour vous donner une idée. Donc rien qu'à Malone. Rien qu'à Malone, hein, rien qu'à Malone. Alors derrière vous, vous n'êtes pas sans reste, Adrien. Non, non, j'ai Christophe Bourdon, c'est un enfant de cœur, né d'ailleurs sous la houlette d'un autre régional de l'étape, Jean-Jacques Brunin, sur Vivacité. Vous sévissez tous les dimanches dans votre berceau aujourd'hui, parce que bon, vous êtes né à Dinan, mais c'est ici, à Namur, Christophe Bourdon, que vous avez forgé vos armes. Forgé mes armes, place d'armes et ailleurs, oui, j'ai vécu une dizaine d'années à Namur, et vous savez ce qu'on dit, à Namur un jour, Namur toujours. Vous avez d'ailleurs commencé dans l'audiovisuel sur une télévision locale. Exactement, sur ça s'appelait à l'époque Canal C, maintenant je pense à... Non, ça s'appelle toujours Canal C. Oui, c'est vidéo, parce que j'ai aussi travaillé à Vidéoscope à Rochefort qui a changé de nom depuis. D'accord, ben... Bon souvenir. Oui, oui, oui. Et vous avez tourné en bord de Meuse, dans la banlieue de Namur à Liège, le zombie à vélo. Exactement, le zombie au vélo, une parodie en hommage au frère d'Ardenne, donc c'est un zombie qui doit trouver un job, mais il n'aime faire qu'une chose dans sa vie, du vélo, comme nous en fait. D'accord. Mercure, mais c'est les zombies à vélo aujourd'hui. Beaucoup, beaucoup de monde. On a l'impression. Oh là là, regardez comme c'est bucolique. Ah, des chevaux. On longe des chevaux. On dépasse des joggers. Et on en sous-bois en plus. Donc on a cette ombre bien agréable. Oui, c'est vraiment bienfaisant. Et nous sommes à proximité du fort de Malone. Je le dis au passage, dans le bois de la Vecchia. Voilà pour les petites indications locales. Et c'est vrai que cette ombre rafraîchissante est bienfaisante, bienvenue. Le terrain est un tout petit peu rocailleux. C'est quasiment cyclocross, hein, Christophe. Oui, mais ça va. Ce que j'apprécie cette année, contrairement aux autres années, c'est que vous faites l'interview dans une descente. Et ça, c'est nettement plus agréable. Attendez, ce n'est que le début, c'est Christophe. C'est un hasard. Ah, zut. Oui, oui, oui, on n'est pas encore à la route merveilleuse. Ah oui, ça c'est vrai, on va finir par la montée de la mort. Et vous comprendrez pourquoi on dit que les Namurois sont lents. Est-ce que ce fort, Amélie, dont parlait Adrien, c'est le fort Saint-Herbert déjà ? Alors non, le fort Saint-Herbert, c'est un fort qui fait partie des 9 forts qui étaient autour de la ville de Namur pour la protéger durant le Moyen-Âge. Et ce fort se visite toujours actuellement. Voilà, ben, une petite escapade touristique, comme on va vous en souffler quelques-unes durant cet après-midi. Sylvie, vous prenez note, évidemment. Soufflez, j'en ai bien besoin, moi qui suis dans le studio ici, à vous attendre. Mais c'est un pur plaisir d'apprendre, finalement. Vous balader un petit peu aussi, oui, Sylvie. Oui, bien entendu, je ne demande que ça. Donc, bien sûr, j'irai voir les producteurs locaux, parce que c'est ça aussi, ça devient une habitude, hein, le matin, quand on arrive. On prend un petit peu sa place parmi tous ces producteurs, et on découvre, j'ai découvert notamment des nouveaux breuvages, mais fraîchement arrivés sur le marché, donc j'aurai l'occasion de vous en parler tout à l'heure. Oui, voilà. Autant le samedi que le reste de la semaine. Voilà, je ne suis jamais en congé. Merci en tout cas de nous présenter cette belle étape. Et surtout, on a du soleil aujourd'hui. On en est très très content. Et il y a beaucoup de monde ici tout autour de moi. Esplanade, sur l'esplanade de la Citadelle, sur cette plaine des Jeux, comme on l'appelle. Côté musique, Saul et Charlie Winston s'installent. Et puis je vous parlerai dans quelques instants de ce qui vous attendra sur le podium tout à l'heure en concert. Just like an old man, I play my lonely song. Just like an old man, I play to get along. I got my own style, you got your own style. I got my own style, you got your own style. Oh oh, so. Ombre du cimetière, dans l'allée tout au fond, à 6 pieds sous terre, à 2 on se morfond. Moi j'avais mon style, toi t'avais ton style. Existe-t-il un autre style? My mother tongue, cause I got my own style, you got your own style. So, listen, I got my own style, you got your own style. Poussière tous les deux, poussière tous les deux, poussière tous les deux, poussière tous les deux. Existe-t-il un autre style? We are. Charlie Winston. Finalement, cette musique, on l'a déclinée sous toutes ses formes et sous toutes ses sauces pour le beau vélo de Ravel, cette édition 2016. Nous sommes donc pour cette huitième étape à Namur, en haut de la citadelle de Namur. C'est une étape un peu particulière, Adrien, puisque c'est une étape bleutée, on va dire, aux couleurs d'handicap international, hein, on l'a dit. Oui, ça tombe vraiment bien que vous me lanciez sur ce sujet-là, puisque cette semaine a eu lieu, vous le savez, la manifestation publique organisée. Malheureusement, on ne vous entend pas bien. On ne vous entend pas bien. Non, je me permets de reprendre la parole, Adrien. On ne vous entend pas bien. On en parlera dans quelques instants. Donc, vous nous parliez d'handicap international. Ce sera fait de toute façon. Étape spéciale, handicap international. Et c'est vrai qu'on en a quelques-unes d'étapes spéciales sur tout l'ensemble de nos étapes 2016. À tout de suite. Viva City presents The Scottish Days. Pipe band, Highland Games, Scottish dance, Kilt Village, mariage clandestin, gastronomy, artisan, and of course, beer and whiskey. Au Mémorial 1815 et à la ferme de Hougoumont, au pied de la Butte de Lyon, les 13, 14 et 15 août. Tickets sur 070.be. Avec la province du Brabant Wallon et TVCom. Fanny ? Oui, monsieur ? Pourriez-vous appeler Convert, notre agence intérim ? À quel sujet ? Vous savez, j'avais promis un tour du monde à ma femme. Eh bien, nous partons. Mais qui va s'occuper de la gestion, du commercial ? Et en plus, vous êtes aussi parfois sur chantier ? Justement. Appelez Convert, ils ont les bonnes personnes pour chacun de ces jobs. Convert, travail intérimaire pour employés, ouvriers et étudiants. Convert avec un K, s'occupe de votre cas. Toutes les infos sur convert.be. En télé, sur la une. Qu'est-ce qui t'a rangé, ça ? C'est moi encore. C'est pas la bonne. Non, hé, y a pas de bonne ici. Une femme d'intérieur désespérée cherche un sens à son existence. Alors qu'est-ce que vous faites, vous, mon chou, comme travail ? J'étais prof, mais j'ai arrêté. La vie domestique, avec Emmanuel DeVos, lundi soir sur la une. Secondes. Ce n'est pas assez, ce morceau en entier passe bientôt sur Vivacité. Vivacité, le beau vélo de Ravel. En direct de Namur, donc sous un ciel bleu, aux couleurs bleues d'handicap international. Je pense, Adrien, que vous nous parliez des bricoleurs du cœur, mais ça a coupé juste ensuite, juste après. Oui, cette opération organisée par Handicap International s'est clôturée cette semaine. Et le grand gagnant est namurois, je dirais même plus, malhonnois. J'étais pas dans le jury, hein, je m'empresse de le dire. Par contre, j'ai mis mes lacets bleus, les lacets de Handicap International, comme vous d'ailleurs, hein, Olivier Coll. Ouais, nous sommes raccord sur ce coup-là avec Eric Wertz aussi. Eric qui est volontaire pour Handicap International depuis des années. Eric, vous courez le monde. Hein. Ça fait 25 ans déjà. Ouais, vous rentrez d'où là maintenant ? Je suis rentré du Burundi. D'accord, Burundi, pays qui nous tient vraiment à cœur. On pense beaucoup aux Burundais qui souffrent pour l'instant. Pays magnifique. Vous êtes allé sur place organiser des missions, racontez-nous. Oui, ben, en fait, à cause des violences politiques dans le pays, il y a beaucoup de blessés. Et Handicap International a mis en place un centre pour soigner les blessés, oui. De les prendre en charge, surtout, et aussi de les accompagner dans le cas où ils vont rentrer chez eux. Parce que dans beaucoup de cas, les gens qui souffrent de ces blessures, il n'y a plus de système social autour d'eux qui peut les prendre en charge. Et de ce fait-là, ben, on essaye de retrouver un peu la reconstitution et la récupération fonctionnelle à partir de ces personnes blessées, non seulement les soigner, mais aussi les réintégrer de nouveau dans leur communauté où ils venaient avant. Entre autres par le sport. Le sport, c'est une de vos armes de combat. Exactement. Hein, il est toujours prouvé que le sport, c'est aussi un moyen de dépassement de soi, hein, mais aussi que les gens puissent de nouveau trouver leur repère dans leur phase de rééducation. Oui. Et pour nous, dans les programmes, ben, le sport est quelque part obligatoire pour les séances de rééducation. Oui, pour retrouver sa dignité. Retrouver son autonomie aussi. Exactement, ouais, oui. Et le dépassement de soi, parce que même si on en souffre d'un handicap, il est toujours possible qu'on peut encore retrouver d'autres capacités et d'autres aptitudes qui peuvent aussi prouver, hein, par le biais de ce sport, mais aussi par le biais du contact avec les autres, des nouvelles aptitudes sociales que les gens vont pouvoir pratiquer. Oui, et d'ailleurs, ça se passe au bout du monde, mais aussi près de chez nous. Demain, Sylvie, dans l'émission de télé, vous verrez un sujet sur l'Andy Escrime avec une médaillée namuroise qui a participé aux Paralympiques et qui fait mou. touche, hein, ce sport. Vous verrez ça en garde, mon cher Olivier, demain sur le coup de 13h35 sur la Une Télé. On regardera ça en images, alors que nous, les images, on en a déjà plein les mirettes avec ce côté vraiment bucolique de votre coin, Adrien. Là, on est à travers champs, sur des chemins en pierre, et voilà, on retrouve l'asphalte un peu plus lisse pour vous parler encore de Malone. Malone, Amélie, qui est marquée surtout par un Saint-Berthouin, c'est lui qui est arrivé dans la région. Hein. Oui, c'est ça, il est arrivé comme orateur pour créer un oratoire, et il a installé donc l'école qui a son nom là en dessous. Donc c'est un personnage connu dans la région. L'école Saint-Berthouin, dont on salue les élèves, qui s'approchent un peu plus de la rentrée. Et puis il faut aussi parler de cette brasserie installée dans l'ancienne église qui est maintenant désacralisée. La brasserie du clocher, absolument, qui produit la Philomène. Et d'ailleurs, ce soir, je vous la montrerai sur le coup 18h45 dans mon plat préféré, parce qu'à partir de cette bière, la Philomène, je fabrique mes petits poulets. Alors Olivier, attention, je pas la liégeoise. Mais non, je voudrais pas vous concurrencer quand même. Non, des boulets. Pas un week-end de 15 jours. Non, à la malonoise. Est-ce que vous avez vu sur notre gauche, Christophe Bourdon, ces gigantesques champs de fraises? Ah, c'est donc ça. Bah alors, on s'arrête tout de suite, je pense. On va faire la cueillette. Hein. D'accord, il en reste quelques-unes. Allez, courage. Vous restez à bicyclette et promis, Sylvie, sur la place du Vierly à Ouépion, on vous offrira une dégustation de fraises préparée par un top chef étoilé, Carl Gillin de l'Agatopède. Génial. Voilà pour cette balade familiale, encore une fois, de 20 km en boucle au départ de l'esplanade de la Citadelle, à travers les sentiers de la commune, les hauteurs de Malone, de Ouépion, puisque nous ferons, comme vous le dites, notre halte ravitaillement tout à l'heure. Faites bien de parler de l'escrime, parce que c'est vrai que c'est une discipline à découvrir, parce que vous savez que chaque semaine, il y a toutes ces animations, ces activités qui sont proposées ici au sein du Kids Village, comme on l'appelle, et l'escrime aujourd'hui est à l'honneur avec le Cercle d'escrime de Namur, tout comme le football américain, parce qu'il y a un club de football américain en Denne, il faut le savoir, qui propose une initiation aux enfants. Voilà, c'est bientôt la fin des stages, mais donc on pense déjà à l'année scolaire qui va redémarrer et toutes ces disciplines sportives qu'il va falloir prolonger, voilà, pour essayer de les faire entretenir leur forme dès le plus jeune âge. Voici côté musique, Matt Cohn sur Vivacité, ce sera Bee Gees Scott tout à l'heure qui sera notre tête d'affiche sur la scène Joker Plus. Vous l'entendez peut-être derrière moi, puisqu'elle est en balance pour l'instant sur le podium. Don't worry about it. out about the stars and the views high. Ain't nobody thinking about what you got. Everything's eyes. Wanna dip, get a new spot. Yeah, yeah. Don't worry, don't worry. Night never ends, no hurry, no hurry. Shorty look thick so the lines get blurry. And the nights in your paws or we might get dirty. DJ, let the beat play. Make a heat wave when you replay this. Tonight we gon' party like it's DJ. Young and free saying it's the one on my CK shit. The moon is the light, the sky's the ceiling. Low is the bass and the high is the feeling. The world is a club, all in, cause we can. This one for the books, don't worry about a thing. Le beau vélo de Ravel avec notre partenaire Electrabel. Electrabel et Kito sont prêts pour de belles balades au beau vélo de Ravel. Et c'est une belle balade qu'on vous propose à nouveau aujourd'hui avec beaucoup, beaucoup de tourisme à l'honneur, bien entendu. Nous sommes toujours un peu en vacances, hein, et donc Namur, malgré tout, très, très belle ville dont les étrangers, les touristes se souviennent. Il y a tellement, tellement de choses à faire. Et là, j'incite vraiment ceux et celles qui ne sont pas des nôtres, hein, Olivier, à venir nous rejoindre, en tout cas Namur, cette belle région, pour en découvrir davantage. Par exemple, Mais par exemple, la citadelle, où vous êtes, Sylvie, où vous nous attendez depuis le début de cet après-midi et où il y a plein de choses à faire aujourd'hui, mais aussi tout le reste de l'année, Amélie, et notamment dans quelques mois, un nouveau projet, celui de pouvoir visiter les galeries. Il faut dire qu'il y a quand même quelques sérieux kilomètres, 7 kilomètres de galeries en dessous de cette esplanade de la citadelle que l'on foulera encore tout à l'heure. Oui, tout à fait. Donc la citadelle comporte 7 kilomètres de galeries. Je rappelle que la citadelle, c'est la plus grande d'Europe. Et on peut déjà visiter une partie des souterrains et on est en train de préparer la suite pour pouvoir allonger la balade. Allonger la balade, voilà, ce sera le cas d'ici quelques temps, mais vous pouvez déjà aller découvrir les premiers hectomètres, évidemment. La citadelle, c'est pas que ça, il y a plein d'étapes à faire sur celle-ci, Amélie. Alors oui, effectivement, donc la citadelle, ça se visite de l'intérieur, ça se visite de l'extérieur. Il y a un tout nouveau centre des visiteurs depuis l'an dernier, avec un très chouette musée, très didactique, sympa à faire. Qu'est-ce qu'on voit dans ce musée? L'histoire de la citadelle? Alors oui, là, on explique la citadelle de ses débuts jusqu'à aujourd'hui. Alors les débuts, ça date de quand? Cette plus grande forteresse d'Europe, hein, quand même, il faut le rappeler. Oui, donc au départ, la citadelle servait vraiment comme un lieu pour l'armée, jusqu'au Moyen-Âge où elle est plutôt devenue un château pour un comte. Et à Napoléon, à l'époque de Napoléon, la citadelle a perdu vraiment de sa visibilité, de son utilisation. Donc le côté militaire des choses un peu voilà, disparu. Pourtant, il y a eu des soldats sur place jusqu'au milieu des années 70. Jusqu'en 1978, exactement. Voilà, on a un petit peu oublié ça parce que le côté touristique avait primé, évidemment. Vauban est passé par là pour donner une nouvelle face à cette citadelle également du temps de la fin de l'apogée des rois de France. Et aujourd'hui, eh bien, c'est un superbe cadre avec plein de projet pour venir eh bien, vous promener un but de balade en soi, rien que faire la route merveilleuse, que ce soit à vélo, Sylvie, comme aujourd'hui, oui, ou même en voiture, en s'arrêtant aux différents points de vue pour voir Namur. C'est un des meilleurs endroits. Absolument. Namur et Jambes et toute la région et le confluent entre la Sambre et la Meuse, évidemment, il faut vraiment aller là-bas et on n'assiste jamais assez. On part souvent à des dizaines de milliers de kilomètres de la Belgique en allant simplement à l'aéroport le plus proche et on oublie d'aller visiter ce qui est parfois à moins de 100 km de chez soi et on découvre ces régions par le biais d'émissions comme la nôtre. Ça doit vous donner une envie, celle de venir avec nous pédaler le samedi, mais aussi d'aller découvrir ces lieux quand vous avez un petit peu de temps. Tout à fait, tout à fait. Quand les conditions météo finalement sont comme aujourd'hui, c'est vrai qu'on le découvre d'une bien belle façon. Vous avez raison d'insister, cette ville de Namur est très très belle et cet espace citadelle encore plus bien entendu, assez majestueux et on en a la preuve en restant ici sur place. Là je parle pour moi parce que je me dépayse toute seule en restant au même endroit. Allez, on parle aussi tout à l'heure donc de B.G. Scott, on l'a entendu à votre antenne, à l'antenne dès le début de l'émission. B.G. Scott sera notre tête d'affiche. Il y aura aussi Tima, la maman de Boris Mott, qui sera aussi en concert tout à l'heure avec le soutien de Joker Plus. Et puis Anne Noir sera aussi de la partie pour nous mettre un peu quelques notes africaines, voilà, sur scène. Ce sera donc tout à l'heure à partir de 16h30.

Hérisson, tu te dandines sur les sentiers du Ravel. Tu louvoies, tu dodelines lorsque les journées sont belles. Tu dégaines tes piquants au moment où vient Manon, chevauchant son vélo blanc, et pff, c'est la crevaison. Sur le Ravel, en tout temps, règne la loi du hérisson. Voilà pourquoi les AP Assurance vous proposent l'assistance vélo. Une assistance 24 heures sur 24 pour toute la famille à 60 euros par an. Plus d'infos sur lap.be. Les AP Assurance, toujours à vos côtés. Ceci est un produit d'assurance d'AGA International SA Belgian Branch. Le beau vélo de Ravel. En direct de Namur avec les Ravelistes qui sont maintenant sur le territoire de Bois de Villers, Cédrien. Oui, nous sommes dans ce petit village vallonné où on fait plein de connaissances dans ce peloton. Allez, un petit micro-peloton. Oui. Votre prénom ? Pierre. Pierre, vous venez d'où ? Liège. Liège ? Vous êtes là depuis quand en fait ? Je suis là depuis hier avec mon camping-car. Ah oui, donc vous faites partie du fameux club. Le fameux club des camping-cars avec Thierry qui organise tout ça. D'accord. Alors qu'est-ce que... Je suis un peu indiscret parce que vous arrivez la veille, mais qu'est-ce que vous faites pendant ce temps-là ? Ah ben, en attendant, on fait la fête. On barbecue, apéro... Et puis parfois on danse, parfois on chante, ça dépend. Vous savez combien de cubits de vin vous avez vidé hier ? 7. Vous étiez combien ? On est une vingtaine. D'accord. Un cubit pour 3 personnes ? Oui, oui, oui. Belle moyenne, et pourtant vous nous dépassez, mais vous avez un vélo un peu spécial. Oui, parce que je suis au courant, en 24 volts. Ah oui, d'accord. Il a un vélo électrique, il est très fort en jeu de mots, Christophe. Je pense que c'est mon père caché, Adrien. C'est un festival. Ouais, ouais, ouais. Vous avez passé 10 ans à Namur, Christophe. Je suis certain que vous n'avez jamais pédalé ici. Eh bien, non. Vous avez raison. Et je reviendrai parce que franchement, c'est magnifique hein, comme coin. Oui, alors vous entendez notre souffle court, Sylvie ? Oui. C'est que Bois de Villers, dans Villers, il y a Vallon aussi, vous voyez. Eh bien, oui. Ouais, moi, je vais vous dire ce qu'il y a dans Bois de Villers, en fait, Adrien. Et enfin, c'est pas moi qui vais vous le dire. On a quand même la chance d'avoir la directrice de l'Office du tourisme de Namur derrière nous, qui a potassé la moindre anecdote sur le parcours d'aujourd'hui. Et Amélie Bois de Villers, vous savez d'où ça vient ce nom, l'étymologie de ce nom. Alors, bien sûr, il y a certainement une forêt à la base, mais il y a plein d'autres choses. Alors, en fait, il y a un bois entre Bois de Villers et Malone qui s'appelle la Marlagne. Et une partie de ce bois a été donnée aux moines de Villers-la-Ville. Voilà. Et comme on disait, le bois de Villers, c'est devenu Bois de Villers. Voilà, le bois des moines de Villers, voilà. Ça commence à faire fort long. Villers-la-Ville, où d'ailleurs, petit coup de promo au passage, hier il y avait un concert Amadeus. Ceux qui ont été ont encore les poils qui se dressent sur l'avant des bras. Et le prochain rendez-vous, c'est bien sûr la nuit des cœurs, au moment, le même week-end, Adrien, où nous serons du côté de Mété. Sylvie. Les 27 et voilà. 28 août, dernier oui. Week-end de l'été, grande nuit des cœurs à l'abbaye de Villers-la-Ville, effectivement, avec la RTBF. Voilà, c'était petit coup de promo au passage, alors c'est que nous allons. Événement qu'on suivra. Mettre le cap sur Wépion, ça sent les fraises. La saison des fraises, Amélie, est un peu passée, je crois. Hein. Oui, en fait, c'est de mi-mai à mi-juillet, donc ça vient de se terminer. Et si on veut des vraies fraises de Wépion, vous m'avez dit qu'il faut absolument aller sur la nationale entre Dinan et Namur. C'est là où il y a les petites haltes sur le bord de la route où il fait écrit véritable fraise de Wépion qu'il faut aller se fournir si on veut les vraies de là-bas. Oui, en fait, c'est sur la chaussée de Dinan et il faut distinguer les fraises qu'on distribue à la criée de Wépion qui peuvent venir jusqu'à 80 km de Namur et la véritable fraise de Wépion qui s'achète dans les aubettes sur la chaussée de Dinan. Donc si on nous vend des véritables fraises de Wépion maintenant, c'est pas possible. C'est vraiment la fin. C'est possible parce qu'elles sont récoltées jusqu'à mi-juillet, mais c'est vraiment, ça, c'est vraiment une info importante. Attention, c'est parce que Karl va en servir au ravito et je peux vous dire qu'elles sont vraiment qu'elles Wépion. Sont vraies. C'est vrai, on en parlera d'accord. Tout à l'heure. Merci, direction Wépion en écoutant Sting and Englishman in New York pour aller jusqu'au flash de 14h. En effet, cap sur les fraises, puisqu'on parlera de ça tout à l'heure à l'alt ravitaillement à Wépion. C'est là qu'il y aura aussi le quiz qui va opposer nos deux candidats de ce jour pour cette échappée belge en Provence, dans le Luberon, puisque c'est le voyage offert cette année à nos gagnants. Side. Take it everywhere I want. takes a man to suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say. La programmation musicale de cet après-midi en direct de Namur pour cette étape boucle depuis la citadelle de Namur. On se retrouve juste après le flash de 14h. Que voici, que voilà. Sophie, ça va? C'est bon la confiture materne sur les doigts? C'est trop bon. Merci les fruits. Merci materne. Et sur une tartine, t'as déjà essayé? Oui, c'est encore meilleur. Trouvez les observations et les prévisions météo sur rtbf.be. Dis, votre partenaire pour l'été. Solaire, mini-format, premier soin. Tout est chez Dis. Dis, faites-vous plaisir. Souvent, un mot peut en entraîner beaucoup d'autres. Enfance, canalise, mélancolie, panier de ce dimanche, dès 13h, vos artistes préférés déplient les meilleurs petits papiers de vivacité. Vivacité présente le 17e Hatt Open, tournoi international de tennis en fauteuil roulant du 17 au 20 août au RTC Hatt. 60 participants, dont nombre du top 50 mondial. Un tableau réservé aux juniors. 12 500 euros de prix. Spectacle exceptionnel et gratuit tous les jours. Info hattopen.be avec nos télés et l'avenir. Vivacité à Enghien. En toute complicité. Sur 101.8 FM. Excellent après-midi, soleil à l'écoute de Vivacité, il est 14h. C'est Simon Bourgeois qui nous informe. Bonjour. Beaucoup de monde sur les routes aujourd'hui. Il fait beau, il fait chaud et puis c'est le long week-end du 15 août. Du coup, de gros embouteillages vers la mer surtout. Des bouchons en France aussi. Là-bas, c'est drapeau rouge tout le week-end. On fera un point complet sur le trafic juste après ce flash. Jeux olympiques, deux stars se croisent aujourd'hui à Rio. Dernière longueur de sa carrière pour le nageur américain Michael Phelps. Il nagera le 4x100 mètres nage libre ce soir avec un objectif, une 28e et dernière médaille olympique. Un petit peu plus tôt dans l'après-midi, entrée en piste d'un autre grand champion, Usain Bolt. Le Jamaïcain court les séries du 100 mètres en fin d'après-midi. Après la première semaine dominée par la natation, place à l'athlétisme, donc au JO. Côté belge, plusieurs chances de médailles aussi aujourd'hui avec Nafissatou Thiam. D'abord, la Namuroise est deuxième de l'heptathlon après 4 épreuves. Il en reste 3, le javelot, la longueur et le 800 mètres. Ça se jouera à partir de 16h45. Des Belges en lice aussi au lancer du disque et en aviron. La romancière franco-belge Françoise Malé-Joris est décédée à l'âge de 86 ans, connue notamment pour son roman controversé Le Rempart des Béguines, histoire d'amour entre deux femmes. Elle remporte le prix Femina aussi en 1958. Françoise Malé-Joris était membre de l'Académie royale de Belgique et de l'Académie Goncourt qu'elle avait quittée en 2011. Pour le ministre de l'Intérieur Yann Yambon, le groupe terroriste État islamique n'est pas impliqué dans l'attaque au couteau de deux policières à Charleroi. Daesh a revendiqué cette agression, mais pour Yann Yambon, en interview dans le journal L'Écho, c'est un acte isolé, rien à voir pour lui avec les gros attentats organisés par le groupe terroriste État islamique. Un bébé girafe est mort au zoo de Plankendal. Son cou est resté coincé dans le grillage de son enclos. Le zoo promet une enquête pour savoir ce qu'il s'est passé exactement. Le petit girafon avait tout juste un an. Un point météo, il fait beau aujourd'hui et ça devrait durer tout le week-end. Attention quand même si vous prévoyez un barbecue ce soir, il fera un petit peu froid à la tombée du jour avec des bandes brouillard prévues cette nuit. Mais le soleil sera de retour demain. Je vous le disais, beaucoup de monde sur les routes. On fait un point complet avec Pierre Collard-Bovy. Compliqué d'arriver à la mer, Pierre. Oui, compliqué, mais ça va toutefois mieux puisque l'accident qu'on signalait tout à l'heure à hauteur de Bernem sur le 40, Gand-Ostende, donc, c'est terminé. La chaussée est dégagée, mais on relève toujours des fils qui doivent se résorber, bien sûr, entre Deynes et Alter. Là, vous perdez encore entre 40 et 50 minutes en direction de la côte, mais on va vraiment vers un mieux là maintenant. Alors, concernant les postes frontières vers la France, eh bien, seul le poste sur le 19 Mons-Valenciennes pose encore problème puisque vous y êtes ralenti de 35 à 40 minutes. Des débris sont répandus sur la chaussée, sur les débris de bois, sur la N4 à Arlon-Namur, peu avant Sinet. La bande de droite est encombrée en direction de Namur. Puis un véhicule avec une caravane en panne sur le 25 Neuchâtel-Liège, peu avant Villeroux, dans une zone de travaux. La bande d'arrêt d'urgence est neutralisée. Le passage est difficile en direction de Liège. Et puis toujours ces ralentissements également dus aux travaux sur le 19 Anvers-Bréda à hauteur de Brecht. Vous perdez 20 à 25 minutes en direction des Pays-Bas. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. 14h03, on continue sur Vivacité. C'est la suite du beau vélo de Ravel avec vous, Sylvie Honoré. Merci Simon, l'info revient à 15h. Le beau vélo de Ravel, c'est au Vivacité. La consigne, évidemment, aujourd'hui, Adrien, Olivier, n'allez pas trop vite, n'allez pas trop vite. Lève le pied. Ah, voilà, les voilà. Plus courtes sont les meilleures, parce que c'est vrai, la balade, elle fait une vingtaine de kilomètres. Et là, tout de suite, on va bientôt ramener sa fraise. Ah oui, Pion. Exactement. Et d'ailleurs, Amélie, elle a la tenue couleur fraise écrasée. C'est à l'avenant. Amélie, on parlait de ne pas aller trop vite. Le symbole de Namur, c'est quand même un escargot. Oui, tout à fait, un escargot, parce qu'on dit que les Namurois sont lents. En tout cas, que les Namurois parlent lentement, notamment grâce aux Wallons. Et donc voilà, l'escargot est resté la symbolique de la ville de Namur. C'est un peu les Helvètes Wallons. Voilà, et en plus, on peut bien évidemment déguster des escargots à Namur. Ah, les petits gris de Namur. Voilà, tout à fait. Est-ce qu'on en dégustera tout à l'heure, Adrien? Avec la gâteaupède. Verdict dans quelques minutes au ravito. Oui, avec le chef, le ravito qui est à quelques encablures de nous maintenant, c'est lui. Parfait, parfait. Les bons produits de bouche. Et moi, je peux vous dire qu'il y a des bons produits de voice ici sur la scène avec le soutien de Joker Plus, parce que tout à l'heure, elle a dit la vérité. BG Scott est venu avec quelques amis. Voilà, et donc ils sont tous en train de s'amuser en répétant pour le grand showcase de tout à l'heure. Voilà ce qui vous attend ici en direct de la citadelle de Namur et ce que vous verrez en télé demain 13h35 ou tout à l'heure ou tout au long de la journée sur la page Facebook, puisque nous postons pas mal de photos d'ambiance. Voici Chris Keb sur Viva pour redémarrer cette deuxième heure. And you know what happened then? We were on the floor. Chris Cab en direct sur Vivacité, en direct du soleil ici à Namur et je pense un peu partout, j'espère d'ailleurs, en Belgique. J'ai envie de me promener, tiens, parmi les producteurs ici dans le village des Saveurs. Donc c'est peut-être l'occasion de venir goûter des produits en effet très locaux, comme ce jus de pomme assez artisanal, je pense. Bonjour, quel est votre prénom ? Bonjour, je m'appelle Grégoire. Grégoire, c'est vous qui faites déguster alors ici au stand ? Exactement, oui, au beau vélo du Ravel. Et comment vous vendez votre jus de raisin en quelque sorte ? Qu'est-ce que vous lui prêtez comme qualité supplémentaire par rapport aux autres ? Eh bien, non seulement on les garantit sans résidus de pesticides, et aussi c'est du 100% pur jus. On ne coupe pas nos produits avec de l'eau ou avec du sucre. Ça nous permet une belle qualité et ça nous rapproche d'un produit vraiment sain. C'est le pur jus de pomme, c'est surtout le jus de pomme, hein ? Oui, surtout jus de pomme, mais on les décline aussi en pomme-poire ou en pomme-fraise. Et c'est du pur jus, oui, tout à fait. Bon, voilà, un client potentiel juste devant. Quelle est votre impression, vous qui dégustez, qui ressentez un peu les arômes ? Je sens tout de suite qu'il n'y a pas de produits chimiques, ça sent très bon. On sent vraiment l'odeur du fruit et le goût aussi. Vous sentez directement qu'il n'y a pas de produits chimiques ? Tout à fait. Ça sent, quand vous buvez quelque chose venant de la production dans les grandes surfaces, on sent tout de suite qu'il y a quelque chose qui est comme un médicament quelque part. 100% confiance alors. Ah oui, sûrement. Oui. Voilà pour les vergers de la vallée. Donc voilà, le verre de jus, c'est 50 centimes. Et puis un petit peu plus loin, voilà, je m'éloigne un petit peu de la scène où pour l'instant ce produit en répétition, hein, je rassure les fans, B.G. Scott. Je me dirige vers un apéritif qui vient fraîchement de sortir sur le marché. Olivier Lefebvre, c'est bien ça ? Oui, bonjour, Olivier Lefebvre. Une semaine, ça fait une semaine qu'il est sorti ce produit ? Oui, un petit peu plus, les 10 jours on va dire. Une dizaine de jours, incroyable ça ! Parce que les bouteilles partent quand même en plusieurs là. C'est bien. Vous avez pris assez de stock là pour une première ? J'espère que non. Bon alors que ça s'appelle comment ? De bouche ? De bouche ? Ça s'appelle de bouche à oreille. Et c'est quoi ? C'est à base de fleurs de sureau, vous m'avez dit fleurs de tilleul ? Donc c'est un vin blanc avec une macération fleurs de tilleul et fleurs de sureau, effectivement. Génial, génial. C'est difficile de commencer la publicité, le marketing. Alors qu'est-ce que vous allez faire ? Bon, ici c'est avec la PAC W, évidemment. Oui, donc en fait c'est vraiment le principe du bouche à oreille. Donc en fonction des rencontres que je fais, en fonction des gens qui m'indiquent, des commerçants ou des restaurants, ben, je vais essayer de diffuser le produit comme ça. Et ben, parfait. Vous êtes situé où exactement ? À Fernelmont. À Fernelmont. Donc voilà, nous ne sommes pas loin sur la route. Vous voyez de toute façon la route Mons-Liège, on va dire Fernelmont, à gauche ou à droite, selon que vous alliez ou que vous retourniez par cette route. Voilà l'apéritif wallon, le nouvel apéritif de bouche à oreille. Bon, dans quelques instants, un rendez-vous avec la fraise. Là aussi, il y a pas mal de produits déclinés à base de fraises. Nous serons à Wépion avec Olivier, Adrien et tous les ravelistes. Fanny ? Oui, monsieur ? Pourriez-vous appeler Convert, notre agence intérim ? À quel sujet ? Vous savez, j'avais promis un tour du monde à ma femme. Eh bien, nous partons. Mais qui va s'occuper de la gestion, du commercial ? Et en plus, vous êtes aussi parfois sur chantier ? Justement. Appelez Convert. Ils ont les bonnes personnes pour chacun de ces jobs. Convert, travail intérimaire pour employés, ouvriers et étudiants. Convert avec un K, s'occupe de votre cas. Toutes les infos sur convert.be. Et maintenant, la météo. Jusqu'au 15 août, journée rafraîchissante en perspective. Deux packs d'un litre et demi de Coca-Cola ou Coca-Cola Zéro, plus un pack gratuit. Conditions dans les magasins participants. Vivacité vous invite à l'avant-première de Star Trek Sans Limite. Accrochez-vous ! Le nouvel épisode de la saga culte par le réalisateur de Fast and Furious. On n'a plus de vaisseau, plus d'équipage. Comment on va s'en tirer cette fois ? Pour y assister le 15 août à Bruxelles et Liège, 0905 56 471, 50 cents par appel. Konnichiwa. Tu m'emmènes au Japon cet été ? Mieux, je t'invite sur la Grand Place de Bruxelles. Du 12 au 15 août, le 20e tapis de fleurs de Bruxelles fête 150 ans d'amitié belgo-japonaise. Info et tickets sur flowercarpet.be. Avec la région de Bruxelles Capitale, la ville de Bruxelles, la Loterie Nationale, la Une et Vivacité. Embarquement immédiat pour Seine-sur-Sambre, le festival le plus barge de l'été. Une scène flottante avec à bord Overphonic, Arnaud, Frérot de la Vega, Julian Peretta, Emmabel, Jali, Aminé, Suarez et bien d'autres. Les 26, 27 et 28 août sur le site de l'abbaye d'Aulnatoin. Info 070.be. Avec la Loterie Nationale, la Wallonie, la 2 et Vivacité. La Citadelle de Dinan, le rendez-vous culture et découverte incontournable pour toute la famille. Un panorama saisissant, La découverte du site en téléphérique, des animations pour toute la famille, Expo 1914 et plein de jeux pour les plus petits. L'histoire vous attend à la Citadelle de Dinan. Info citadelle-de-dinan.be. Du lundi au vendredi, de 9h à 11h, Vivacité vous emmène visiter le monde. Direction le sud de la France. Avec le tour opérateur Lagrange, nous vous emmenons séjourner en famille au bord de la Méditerranée. À Narbonne-Plage, dans l'Aude, à la résidence, la baie des Oliviers. De là, vous partirez à la découverte des vignobles, du canal du Midi ou encore des cités historiques de Narbonne et Carcassonne. La grande évasion avec Philippe Jauniaux et Aurore Salzano. Joan Osborne sur Viva Cité, en ce direct soleil depuis la citadelle de Namur, où je me trouve, où les personnes qui n'ont pas pris part à la balade viennent nous rejoindre, où les producteurs locaux, vous l'avez entendu, donc sont là si vous souhaitez faire vos emplettes et si vous êtes des nôtres tout à l'heure. Ils sont à la halte ravitaillement, donc à une dizaine de kilomètres, on va dire, d'ici. Vous êtes à Wépion et ça joue de l'accordéon derrière vous, Olivier. Ah oui, de la vielle même. Ah. C'est le groupe Vitrio, auquel il faut ajouter un L, m'a-t-on dit, pour avoir le véritable nom de ce groupe qui alimente cette jolie place. On s'est placé sur le terrain de basket local, ici, dans le village de Wépion. Et qui dit village de Wépion, Sylvie, dit... Fraises, évidemment. Ben oui, vous me parliez de fraises depuis 10 minutes déjà. Oui, ben eh bien, oui. J'ai donc été pousser ma fraise du côté du musée de la fraise avec Aurélien. Aurélien, la dernière fois que je suis venu au musée de la fraise, il était 5h du mat, plus ou moins. Moi aussi. C'était lors de la nuit du Ravel. Bien entendu. On dormait dans l'herbe et on s'est fait revigorer par un délicieux jus de fraise parce que non seulement vous expliquez l'histoire de la fraise dans votre musée, l'histoire de la fraise de Wépion, évidemment, mais en plus, vous déclinez ça en toute une série de produits que vous faites déguster ici aux ravelistes qui en ont bien besoin après cette demi-étape sous le soleil. Ah, exactement, hein, nous avons une gamme assez étendue de produits, hein, donc ici nous avons du jus, de la bière, du péquet aussi, donc il y a vraiment tout ce qu'il faut pour se rincer la bouche avec la fraise et la fraise de Wépion, bien entendu. Alors je viens de déguster un petit jus de fraise terrible, c'est une façon de consommer la fraise de Wépion un peu plus tard aussi parce que là on arrive à la fin de la saison. Tout le ah ben oui, justement, ça permet de boire de la fraise en hiver par exemple, hein, ou pendant les fêtes avec une bonne liqueur de fraise du musée de la fraise également. Donc voilà, la fraise transformée a aussi sa qualité et son goût. Alors, irréprochable. Qu'est-ce qu'on peut découvrir dans votre musée? Qu'est-ce qu'on raconte? Alors le musée de la fraise ici donc est en pleine restauration, rénovation, et à partir de l'année prochaine on découvrira donc des salles thématiques sur l'histoire, la gastronomie, l'art de la table, la fraise dans la culture populaire, dans donc les expressions, la peinture ou autre, dans la gastronomie ainsi que dans l'agriculture et le commerce. Donc c'est vraiment la fraise dans tous ses états. Et cette fraise elle va être cuisinée également par Carl Gilles du restaurant qu'on met à l'honneur aujourd'hui et vous verrez cette recette à base de fraises au Wépion demain dans l'émission télé, on l'a déjà dit tout à l'heure, un petit micro-trottoir aussi parmi nos ravelistes du jour, on va voir l'état de forme. Alors comment ça se passe à mi-étape, est-ce que c'est accessible comme étape? C'est pas mal, oui. Vous avez déjà grimpé la route merveilleuse à vélo? Deux fois. Et c'est dur. C'est dur quand même? Oui, oui c'est dur. Ah, l'effet de groupe va jouer peut-être, vous l'avez fait aussi tiens, cette fameuse route merveilleuse? Non, moi c'est la première fois. Alors imaginez une côte de quoi, 3-4 km quand même? Ouais. 3 km. Pleine de pavés. C'est le final d'aujourd'hui. Vous n'avez pas prévenu? Non. Ah ben voilà. Surprise. Surprise. pour la fin. Ce sera pour la toute fin. Ça va. Le sommet c'est la citadelle où on vous attendra pour la partie plus spectacle évidemment avec les showcases. Vous avez parlé tout à l'heure de BJ Scott notamment. Oui. Allez, un petit tour également chez les juniors. Salut, comment tu t'appelles? Hugo. Tu viens d'où, Hugo? De Nast. De Nast. Et ça a l'air d'aller, toi? T'as l'air en pleine forme, comme si t'avais pas roulé. Oui, ça va. Tu fais souvent du vélo, toi? Hein? Oui, quand même. Combien de kilomètres par semaine, en moyenne? Par semaine, 30. Ah ouais, une petite étape du beau vélo. Deux semaines. Bah, nous, c'est ce qu'on fait aussi, hein, Sylvie, finalement. 30 kilomètres par-ci. En général. 30 kilomètres par-là. Je vais aller, dans un instant, retrouver les deux candidats du beau vélo d'aujourd'hui pour tenter l'échappée belle avec le quiz. Ce sera d'ici 5 à 10 minutes maximum. Et je m'arrête une dernière fois chez deux personnes qui, à mon avis, n'avaient pas de vélo entre les jambes tout à l'heure. Si, si, nous avions un vélo. Mais vous ne transpirez même pas? Pas du tout, non. On a beaucoup descendu jusqu'à présent. On dirait que vous êtes le voisin et que vous êtes venu à pied. Non, pas du tout. Nous avons pédalé, nous avons fait la balade. Nous ne sommes pas égales devant la nature. Bonjour, tu t'appelles comment? Théo. Tu viens d'où, Théo? De Fréture. De Fréture, en Condron? Oui, en Condron. Ah, il faut préciser parce qu'il y en a deux. Ouais. Et quantième beau vélo de l'année aujourd'hui? Premier. Le tout premier. Ben voilà, il faut commencer un jour. Sylvie, il y en a qui attendent la 7e étape déjà, si 8e, j'ai bien compté 8e. Aujourd'hui. 8e. Mais ça passe trop vite.

Angie avec Cool. Ça l'est pour certains, ça l'est moins pour d'autres, on va dire. Il y a quand même un voyage en jeu, hein. Un séjour en Provence, un séjour dans le Luberon. Qui oppose nos deux candidats d'aujourd'hui, Olivier. Mais oui, c'est plus qu'un voyage, c'est une aventure. Hein. N'oublions pas que c'est pour la première fois le retour à l'ADN cool. pur du beau vélo, évidemment, avec ce périple sans assistance hein, et un relief qui sera quand même un avenant. Donc, mieux vaut avoir les mollets bien aiguisés. Les François, est-ce que les vôtres le sont? Je regarde, ça a l'air. Hein, ça a l'air. Ça vous êtes ingénieur au service public de Wallonie. C'est bien ça. Ingénieur en quoi? Ingénieur agronome. Donc je travaille dans le domaine de l'agriculture. Dans le domaine de l'agriculture aujourd'hui, on a traversé des pâturages quand même, hein. On a vu un peu votre travail vous amène quand même de temps en temps aussi en dehors des bureaux? Malheureusement pas assez à mon goût. Heureusement grâce à nous, ouais. On vous fait prendre un peu le soleil aujourd'hui. Jean en face de vous également, bonjour Jean. Bonjour. Vous venez de la région verviétoise? Oui, Petit Rocher. Ancien boucher charcutier? Oui, oui. Il va falloir que je parle fort alors. Carrière. Il va falloir que je parle fort si vous êtes un peu bouché. Ok, pas de problème. Vous venez du village de Petit Rochien. Ce matin, on vous a confronté à quelle épreuve sportive? L'escrime. Ah, et ça a fait mouche, François? Ouais. C'est difficile de savoir qui a émergé. Mais il a laissé des traces. C'est bien chez lui. Ah oui, moi. Oula. Moi, je croyais que l'escrime, c'était inoffensif. Aïe. Vous avez le corps maculé de. Lui aussi. Ah oui, quand même. Je dois lever. Non. Écoutez, gardez vos cicatrices pour draguer qui vous voulez. Sur moi, ça ne devrait pas faire d'effet. On va arriver au quiz. Vous n'avez pas l'air stressé du tout, ni l'un ni l'autre. On essaye. En tout cas, en surface. Alors, le match entre Jean et François à coup de questions, c'est maintenant sur Viva pour 2 minutes de tension importante. C'est parti. Quel est l'hymne officiel de Namur? Et c'est François qui répond. Lydia Bouquet. Bonne réponse. Avec Marc Chagall, quel autre illustre artiste s'est installé à Gordes après la Seconde Guerre mondiale? C'est pour Jean. Il est servant. Non, droit de réponse pour François. Je ne sais pas. En quelle année Vivacité a-t-elle vu le jour? L'année de création de la chaîne, c'est pour François. 2004. Non, droit de réponse pour Jean. Oui. 2003. Non. Dans quelle localité de l'Alabama B.J. Scott est-elle née? François. Deer Park. Bonne réponse. En 1448, en 1488, qui a creusé les souterrains de la citadelle de Namur? Jean. Maximilien d'Autriche. Bonne réponse. Quel est le vent dominant dans le Luberon? François. Le Mistral. Bonne réponse. Quel chef d'œuvre? Oui. Ah, ça a déjà buzzé? Non, apparemment pas. Quel chef d'œuvre de Félicien Rops visible dans son... François. La femme au cochon. Oui, bonne réponse. Quelle ancienne voie romaine traverse le Luberon? L'ancienne voie romaine qui traverse le Luberon? Pour personne. À quelle date précise a été inauguré le premier tronçon de la ligne vicinale 7? Jean. En 1891. Non, c'est pas ça. Date précise. Un jour, mois, année. François. Je ne l'ai su, mais je ne sais plus. Ok. Sur quelle fréquence peut-on écouter Vivacité en région namuroise? Jean. 101.6. Non, droit de réponse pour François. 98.3. Bonne réponse. Dans quel village namurois se trouve le jardin des plantes? Jean. Le jardin des plantes, non? Droit de réponse, François. Le jardin des plantes à couleur. À Bedrin. Bonne réponse. Combien de fois B.J. Scott a-t-elle été coach dans l'émission The Voice Belgique? François. 5. Bonne réponse. Quel architecte a construit l'esplanade des Jeux à Namur? François encore. Monsieur Aubé. Le prénom. Henri. Non, pas Henri, c'est... Non, droit de réponse. Georges. Oui, ok. À Apt, quelle famille récolte et distille les fleurs de lavande depuis 5 générations? Jean. Bonne réponse. Non. Eh ben, on n'aura pas cette réponse-là. Et évidemment, le suspense, Sylvie, consiste à garder les bonnes réponses sous le coude et à compter les points en off. C'est le cas chez vous en studio, c'est le cas ici avec nos juges arbitres également. Alors, poignée de main déjà entre François et Jean. J'ai vu. Alors, Jean, vous, je croyais que vous n'étiez pas stressé avant. Vous trembliez tellement que vous déclenchez le buzzer sans le vouloir. C'est dingue. Montrez un peu votre main maintenant. Ah, ça tremble toujours. À 70 ans, on n'a plus le. Mais alors, C'est le stress ou c'est l'âge? C'est peut-être l'âge quand même. C'est les deux. Non, non, c'est un peu d'Alzheimer. En tout cas, très beau match parce que c'est une des premières fois de la saison où on avait quand même des réponses qui arrivaient au tac au tac. Et donc, bah voilà, très beau match entre Jean et François. On les départagera définitivement tout à l'heure avec le pump track et puis les résultats qu'on livrera en studio. Je n'ai pas encore entendu les supporters de Jean et François se manifester. Là, de ce côté-là aussi, Sylvie, on se libère un peu. Oui. Et je ne résiste pas, Sylvie, à aller vers cet ancien instrument qu'on entend trop peu souvent chez nous. C'est bien une vielle dont vous jouez. C'est la roue, bien sûr. Eh bien, nous allons entendre son son tout de suite grâce à ce duo musical qui nous a rejoint ici à cette halte Ravito. C'est Vitrio, comment dire, qu'il fallait un peu traîner sur le O qui devient L. Vous avez compris de quoi il est question. Allez-y, jouez, messieurs, dames, pour notre plus grand plaisir. Si. Jeux anciens, vous voyez, peu tournoi avec troubadour et ménestrel. Moi, je vois un peu des danses folkloriques, vous voyez, je vois un peu des danses folkloriques autour de vous. Voilà. C'est un peu comme ça que vous pouvez les imaginer, mais nous, on ne les a pas devant nous. Ah si, j'ai Adrien Jovenot qui danse, danse folklorique pour vous, Adrien. Avec mes sabots. Ah oui, j'ai ressorti mon col pelle à tarte. Je sens mes cheveux qui repoussent. Et ça y est, c'est danse du terroir, danse du pays. Un peu la musique malicorne, là, vous voyez ce que je veux dire. Ça va être facile, les sabots, pour le vélo dans la seconde partie. Oui. Hein. Je reprendrai mes baskets avec les lacets bleus, c'est promis. Allez, à tout de suite pour nous parler Parfait. Du chef et D'accord. de cette préparation de fraises. Oui, tout à fait. Nous allons parler dans quelques instants du chef invité sur place qui fera donc déguster à ceux et celles qui sont tout autour de lui ses préparations à la fraise. Juste le temps d'écouter Ellie Goulding, que voici. I had a way there. The queen has been overthrown, and I'm not sleeping now. The dark is too hard to beat, and I'm not keeping now the strength I need to push me. You show the lights that stop me, turn to a stone. You shine me when I'm alone, and so I tell I play within my head. Sur Viva, dans cette émission en direct de la citadelle de Namur, 8e étape du Beauvélo de Ravel, avec ce village d'enfants, bien entendu, qui ne désemplit pas. Chaque semaine, c'est comme ça, avec des châteaux gonflables, des murs d'escalade, du pump track, de l'initiation à l'escrime aujourd'hui par le cirque de Namur, des clowns aussi. Chaque semaine, il y en a. Et cette semaine, avec l'école de cirque Polichinelle, des grimages, Ouf TV, l'animation 365.be sur les attractions touristiques de la région que l'on traverse, avec aujourd'hui la chasse au trésor de la citadelle, de l'initiation au football américain avec le club d'Andenne. Il y a aussi des attractions organisées par Lidl qui sensibilisent malgré tout aujourd'hui et toutes les semaines les enfants à manger des fruits et des légumes. Voilà pour toutes nos animations qui sont présentes chaque semaine et la semaine prochaine. Pareil, nous serons, on le rappelle, à Arlon pour samedi prochain. Dans quelques instants, on s'intéresse donc aux fraises avec le chef qui est à la halte ravitaillement pour l'instant avec Adrien Jovenot. Ne bougez pas. Le Beauvélo de Ravel avec notre partenaire Electrabel. Electrabel et Quito sont prêts pour de belles balades au Beauvélo de Ravel. Dis chérie, c'est une tartine à la confiture ou de la confiture à la tartine que tu dévores là? Ah, je sais, oui, mais la confiture materne, c'est trop bon. Merci les fruits. Merci materne. Et oh, n'oublie pas de m'en laisser un peu quand même, hein. Retrouvez votre météo au 0900 277 70, 50 cents l'appel. Dis, votre partenaire pour l'été. Solaire, mini format, premier soin. Tout est chez Dis. Dis, faites-vous plaisir. Un spot radio qui fait la différence pour une gamme de voitures qui font la différence. Avec des conditions différentes chez votre concessionnaire Nissan de la Barrière à Bury, un choix différent. Nissan, garage de la Barrière, un choix très différent. Nissan, innovation that excites. Le Beauvélo de Ravel. Namur, Wépion, nous ne sommes qu'à une dizaine de kilomètres, mon cher Adrien. C'est l'heure de la séquence gastro-vélonomique, comme vous l'appelez. Et l'objectif de cette séquence est de créer la surprise. C'est bien ça? Ah oui, oui, oui. Avec Karl Gillin, top chef. Rafraîchissez-nous la mémoire, top chef depuis quelle année, Karl? 2012. Ouais. C'est votre deuxième beau vélo de Ravel, toujours à la tête de la Gatopède. Oui, tout à fait. Alors, on rappelle ce que c'est que la Gatopède. Parce que c'est un petit rapport avec une figure emblématique du Namurois. Oui, tout à fait. Félicien Robes, qui faisait partie d'un collectif qui s'appelait les Agatopèdes. Et c'était une bande de gays lurons qui aimaient bien manger, bien boire et bien faire la fête. Donc voilà, c'était le clin d'œil au Namurois. Des épicuriens comme les beaux héros du Ravel qui sont là. Exactement. Ouais. Alors, on va passer devant votre resto, juste avant la route merveilleuse. Hein, c'est pas loin du casino. En fait, c'est le resto de l'hôtel Royal Snail. Exactement, le Royal Snail. À Namur, ça coulait de source aussi l'autre emblème, l'escargot. Alors qu'est-ce que vous avez préparé de bon aujourd'hui? Ici, pour vous, au beau vélo, on a travaillé la fraise, étant donné qu'on était à Wépion, avec en différentes textures, de la terre de chocolat et quelques herbes pour apporter la fraîcheur. Ouais, ça a vraiment fait du bien. C'est plein de vitamines. Et il faut les manger parce que ce sont les dernières fraises de la saison. Hein. Exact, ouais, ça va commencer tout doucement à se terminer. Là. Ouais. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à vous, avec plaisir. Et bonne continuation. Ce beau vélo, ben, on le doit un petit peu à Patricia Grandchamp. Patricia, c'est vous qui avez orchestré orchestré le Ravel ici. Ah bah écoutez, c'est une grande joie pour nous de collaborer avec vous, Adrien. Et donc voilà, c'est un grand plaisir parce que ça permet de montrer Namur sous son plus beau jour. Donc Namur est une ville touristique, une ville d'eau, une ville charmante avec aussi des beaux paysages de campagne. Et donc votre parcours permet de mettre tout ça en avant, mettre la fraise de Wépion, plein de choses. Et puis le vélo, vous savez que Namur investit et croit beaucoup au vélo. Et donc ça permet aussi de montrer que Namur est cyclable. Et voilà, c'est tout un ensemble. On est très heureux d'être à vos côtés. Alors pour ceux qui ne sont pas namurois, je précise que vous êtes échevine à la fois du tourisme et de la mobilité. Et ici, on est au carrefour de vos deux matières. Tout à fait. Donc, c'est un grand, grand plaisir d'être ici avec vous, de faire le parcours aussi. Et donc, ça met vraiment en avant tous nos efforts aussi en matière de mobilité pour le vélo. Et donc, c'est la croisée des chemins entre le tourisme, découvrir Namur à vélo, mais aussi de revenir à Namur aussi pour se déplacer et visiter notre belle ville. Avec Libia Vélo. Libia Vélo, donc des vélos partagés dans la ville, hein, qu'on peut utiliser à la journée ou en abonnement. Donc, c'est vraiment la liberté, rouler en vélo en toute sécurité. Vous remarquez qu'on est sympa parce qu'on fait l'interview ici sur le plat avant la route merveilleuse. Parce que là, on va avoir le souffle un peu plus court. Ah oui, ça c'est vrai que Namur est vallonné. Donc on l'a vu déjà dans la première partie du parcours. Ça descend parfois, mais ça monte. Des faux plats. Donc là, il faut des bons mollets aussi. Hein. C'est une fille d'eau qui ne manque pas de relief. Ah ben voilà, j'espère. Merci beaucoup, Patricia. Regardez Adrien, il est déjà pratiquement 3h-10 au clocher de Wépion. Oui, oui. Et nous allons bientôt repartir avec quelqu'un qu'on n'a pas réussi à larguer depuis le début. Je me disais, c'est ça, il va prendre 3 km, mais non. Non, sans mauvais jeu de mots, il donne un max, vous y allez à fond. Hein. Mais je pense qu'il faut être dans l'ambiance et dans l'activité. Ça faisait longtemps que j'avais plus parcouru une telle distance en vélo, et donc c'est bien, c'est l'occasion de réveiller une série de muscles. Le sportif qui sommeille en vous. Voilà, mais je suis plus adepte des jogging, je reconnais. J'ai moins l'occasion de pouvoir faire du vélo, mais aujourd'hui, aujourd'hui, le vélo prévaut sur le reste. Oh, excellent, un max de bon sens. Il fraise la perfection. Oui. Bon, c'est un festival de jeux de mots. On arrête ici. Sylvie, promis. Allez, maintenant on pédale. Oui. Oui, vous la coulez douce hein, quand elle est plus courte, évidemment, hein, la balade. Oui, oui. Je vous reconnais bien là. Allez, il vous restera une dizaine de kilomètres, en effet. Donc vous avez tout le temps, en effet, de vous prélasser un peu là-bas à Wépion. Mais attention, le plus dur reste à venir, évidemment, puisqu'il y aura la remontée de la citadelle. Vous l'avez descendue, il va falloir remonter via la route merveilleuse. Voici Cocoon, tout nouveau titre pour cet été 2016. C'est un titre vacances. Et puis juste après, on rejoindra à nouveau nos ravelistes qui nous parleront de la fin de la balade avec pas mal de choses à découvrir encore. Jusqu'au retour ici à la citadelle, en direct, nous serons jusqu'à la fin de la journée. des tubes de cet été 2016. C'est pour ça qu'on en profite aujourd'hui avec ce plein soleil sur la Belgique et plein soleil en direct de Namur. C'était Cocoon. T'as joué quoi comme signe astrologique pour ton Joker Plus ? Poisson. J'aurais parié. Vif, sensible, créatif, mais oui, t'as tout du poisson. Ah mais non, moi je suis bélier. Hein. Ah bon ? Ouais, mais on était vendredi et vendredi c'est le jour du poisson. Aujourd'hui je vais jouer balance. Pourquoi balance ? Mais parce que je commence un régime. Vous pouvez jouer à Joker Plus chaque jour. Par mise d'un euro 50, vous avez une chance sur 3,88 de remporter un gain et de faire de ce jour votre jour. Joker Plus. Chaque jour est un jour de chance. En été, le père Jean-Jacques Brunin débriefe ses enfants de cœur. Alors ce dimanche, vous ne retrouverez que les meilleurs moments de l'émission. J'ai écrit un sketch sur l'État islamique. Ça s'appelle Arrêtez de vous prendre la tête, on va la prendre pour vous. Le best-of des enfants de cœur, un instant béni. Allez, bonne semaine et à tous et bon dimanche. Hein. Ce dimanche, de 9h à 10h30, sur Vivacité. Vivacité. Le beau vélo de Ravel. À Namur, nous sommes et nous resterons jusqu'à la fin de la journée avec Olivier qui a repris la route ou presque pour parler encore de ce qu'il y a à découvrir. Non, vous êtes. Pas presque. Vous êtes. Ah oui, vous êtes. On remonte. Alors on est à contre-courant de la Meuse. Ah non, on est dans le sens de la Meuse. L'Amont est derrière nous. Le dos à Dinan, Namur devant nous et vu déjà d'ailleurs sur le château de Namur qui trône là au-dessus de la colline. Amélie, je ne me trompe pas. Hein. Tout à fait. On a un point de mire sur la fin de notre étape, mais entre les deux, la fameuse route merveilleuse dont on reparlera tout à l'heure, on va plutôt s'attarder à ce qui est en bord de Meuse ici à Ouépion. On va parler on va passer dans un endroit que je ne connaissais pas qui s'appelle La Plante. Alors La Plante, oui. Donc on a l'agatopède, on en a parlé pendant la pause, et puis on a une île qui s'appelle l'île Vatifrotte. Alors sur cette île, avant, c'était une zone d'entraînement pour les militaires, une zone de loisirs aussi pour eux, et aujourd'hui c'est une zone où il ne se passe plus grand chose à part que la faune est abondante et que donc c'est une réserve naturelle depuis 95. Il n'y avait pas des potagers là aussi avant ? Oui, tout à fait, pour les militaires. Pour les militaires, ah d'accord, ok. Alors on est aussi au pied d'un fameux rocher, le rocher de Nevio. C'est un bel endroit pour aller faire de l'escalade en région namuroise. C'est un rocher qui fait 70 mètres de haut et effectivement c'est très connu pour les gens qui font de l'escalade et pour les militaires qui viennent s'entraîner, les pompiers. Il y a plus de 186 pistes différentes. Il n'y a pas que Marche des Dames dans le coin. Tout à fait. Il y a également le rocher de Nevio avec toutes ces voies à pratiquer si vous aimez les jeux de cordes. Voilà pour ce qui borde notre parcours pour le moment, Sylvie. Oui. Et je peux vous avouer qu'on garde des forces parce qu'on sait ce qui nous attend pour le final tout à l'heure. Ça risque d'être un petit peu plus costaud que le reste de la balade. Oui, mais en même temps, quelle fierté de pouvoir dire « j'y étais ». Je l'ai fait. Cette route merveilleuse, bien entendu. Et puis à l'arrivée, voilà ce qui vous attend. Donc B.G. Scott sera sur scène avec le soutien de Joker Plus sur la scène. Il sera notre tête d'affiche. Il y aura Anouar. Il y aura plein de talents de voice parce qu'elle n'est pas venue toute seule. Et puis il y aura aussi Tima, la maman de Boris Mott, qui a été inscrite par son fils en cachette. Donc voilà, elle nous parlera peut-être à notre micro de son aventure. Tima, donc la maman de Boris Mott, sera également des nôtres tout à l'heure sur scène. Voici Francis Cabrel avec Le Pays d'à côté sur Viva. Quand la terre se fendit, c'était sous le règne des bandits qui avaient tout défiguré. Chaque ville entourée par son cortège de hangars, ses parkings alignés. Les autoroutes étaient pleines de camions en file indienne, de convois bloqués au péage. On se parlait presque pas et chacun pressait le pas, son écran au ras du visage. Le pays d'à côté est couvert de nuages. On séparait par croyance les leçons d'autodéfense, les rues interdites d'entrée. La fumée ou le brouillard impossible de savoir, chaque soir plus épais. On noyait dans du plastique des repas automatiques que la mer rejetait sur les plages. Braves gens dignitaires, tout le monde laissait faire par profit ou manque de courage. Le pays d'à côté est couvert de nuages. Sous les pieds bousculés des moutons qui s'affolent, le berger à genoux qui cherche la boussole, et les loups affamés qui attendent au grillage. Tombé juste au milieu de la cour d'une école, l'arc-en-ciel démonté qui traîne sur le sol, et tout le monde croit à des enfantillages. Le pays d'à côté est couvert de nuages. Quand la terre se fendit, c'était sous le règne des bandits qui avaient bien prévu le coup, bien tiré la couverture, profité de la nature, disparu on ne sait où. Sous les casques et les enceintes, des télés jamais éteintes tournaient le même message. Pardon de le répéter, mais y a pas lieu de s'inquiéter. Le pays d'à côté est couvert de nuages. Y a pas lieu de s'inquiéter, c'est le pays d'à côté. Le pays d'à côté qui est couvert de nuages. Francis Cabrel avec le pays d'à côté. Pour le moment, c'est notre pays évidemment qui nous intéresse. Si on vous parle du pays d'à côté, c'est parce que tout à l'heure, on en a parlé dans les différents points inforoute. C'est classé orange en France en ce week-end de chassé-croisé, comme on l'appelle, qui reprend ses droits en ce week-end de l'Assomption. C'est code orange aussi chez nous et code bleu, puisqu'on vous l'a dit aussi en début d'émission. C'est une étape spéciale Handicap International, puisque partout dans le monde, les équipes de Handicap International agissent pour aider les personnes handicapées, offrir une prothèse, les aider à trouver une place dans la société, mener une vie digne. L'association vient également en aide aux personnes vulnérables dans des situations de crise, à savoir des catastrophes naturelles, des conflits armés. Donc c'est pour ça que nous avons choisi de nous associer avec Handicap International ici en direct à Namur. On reprend un petit peu le cours des opérations juste après le flash de 15h qui nous arrive. Et si vous êtes des nôtres tout à l'heure, eh bien vous profiterez des talents de The Voice, les talents de Voice comme on les appelle, autour de la coach BG Scott. Il y aura aussi Anouar et Tima. Ce sont nos concerts avec le soutien de Joker Plus à partir de 16h30. Dis, votre partenaire pour l'été, solaire mini format premier soin, tout est chez Dis. Dis, faites-vous plaisir. Bon après-midi à toutes et tous, Pierre Colabovi pour la météo. Cet après-midi, toujours des éclaircies larges et durables au sud-est et des champs nuageux plus nombreux certes, mais inoffensifs sur les autres régions. L'ambiance sera agréable avec 21 à 22 degrés sur les hauteurs et à la côte, 23 à 24 sur la plupart des régions et même 25 degrés en campine. Ce soir et cette nuit, temps calme, le vent faible favorisera toutefois la formation de bancs de brume ou de nuages bas dans les vallées, minima entre 11 et 15 degrés. Demain dimanche, il fera assez couvert en matinée au nord-ouest du pays, mais beaucoup plus lumineux au sud-est, après la dissipation des brumes, les températures pour demain entre 21 et 25 degrés. Ce week-end, les matchs de la Jupiler Pro League sont en direct sur Vivacité. ce samedi dès 18h. Charleroi, La Gantoise et Westerlo-Eupen. Et dimanche, dès 14h, Zulte-Waregem, Standard et Ostende, Moucron-Perruet. Viva Sport. Le sport en direct sur Vivacité. Génial, le long week-end du 15 août. Et chez Intermarché, on a droit à un lapin entier à moitié prix. Seulement 4,99€ le kilo, soit 50% d'économie. Et nous sommes ouverts ce lundi 15 août. Horaire en magasin et sur intermarché.be. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Cuisine Xina. Recevez jusqu'à 100% de réduction sur votre électro pendant le Festival Cuisine. Conditions sur Xina.be. C'est bien pensé. Très bon après-midi à tous, à l'écoute de Vivacité, il est 15h. Le retour de l'info avec Simon Bourgeois à nouveau. Bonjour. Une chance de médaille pour la Belgique aujourd'hui aux Jeux Olympiques. Nafissa Toutiam est deuxième de l'heptathlon après 4 épreuves. Il en reste 3 à jouer, le saut en longueur, le lancer du javelot et le 800 mètres. Pas forcément ces épreuves de prédilection. Tout ça se joue cet après-midi et ça commence dans 2 heures. D'autres Belges en lice aujourd'hui au lancer du disque et en aviron avec là aussi des opportunités de médaille. Mais la tête d'affiche aujourd'hui à Rio, c'est Usain Bolt. Entré en lice de la superstar de l'athlétisme, le Jamaïcain courra les séries du 100 mètres à partir de 17h. Chez nous, la SNCB demande des explications à la CGSP. La société de chemin de fer veut savoir pourquoi le syndicat va payer les amendes des grévistes. Ce matin, la CGSP annonce qu'elle payera l'amende des cheminots en grève en mai et juin dernier. Une sanction après une grève spontanée, dit la SNCB. Sanction sur laquelle il y avait un accord avec les syndicats. Pourtant, la CGSP soutient ses affiliés. Deux feux de forêt progressent dans le nord-ouest de l'Espagne. 11 foyers sont sous contrôle en Galice, mais pas encore éteints. Les autorités ont compté 193 départs d'incendies depuis mardi, dont beaucoup semblent d'origine criminelle. En Louisiane, aux États-Unis, là par contre, ce sont de grosses inondations. 3 personnes sont mortes. Les autorités ont déclaré l'état d'urgence. Il pleut depuis plusieurs jours dans le sud-est du pays. Certains quartiers sont carrément coupés du monde. Toutes les routes sont inondées. Les secours ont évacué les habitants par les toits et ça ne devrait pas s'améliorer tout de suite. Il va encore pleuvoir dans les prochains jours. C'est le week-end du 15 août. Chez nous, par contre, il fait beau et il fait chaud. Et donc, beaucoup de monde sur les routes. Il y a de gros embouteillages vers la mer, mais ça va mieux. On fera un point complet sur le trafic tout de suite après ce flash. Puis du monde aussi à Liège, où les festivités du 15 août ont commencé. Au programme du Péquet, des cortèges folkloriques et religieux. Et puis des spectacles avec notamment le fameux Tchantché. Les organisateurs attendent plus de 200 000 personnes d'ici lundi. Je vous le disais en fil, sur les routes avec pas mal de monde, mais Pierre Collard-Bovis, ça va mieux que tout à l'heure. Hein. Oui, exactement, ça va mieux que tout à l'heure, puisqu'on ralentit encore sur l'autoroute de la côte, comme on dit, l'autoroute de la mer, le 40 Bruxelles-Ostende, en direction de la côte précisément. Vous êtes ralenti entre Alter et Zedelgem. C'est une circulation qui s'effectue en accordéon, mais du coup, qui vous fait perdre quand même 25 minutes, pour le moment en tout cas, pour vous rendre à la côte, mais ça va beaucoup mieux que tout à l'heure. Alors, un objet encombrant, c'est un gros morceau de plastique de garde-boue ou assimilé. L'auditeur n'était pas très, très précis dans sa description. Sur le ring de Bruxelles, en circulation extérieure, peu avant l'échangeur de Woluwe et Saint-Etienne, la voie centrale est encombrée en direction de Zaventem. Concernant les postes frontières vers la France, eh bien, seul le 19 Mons-Valenciennes présente un ralentissement de plus ou moins 20 à 25 minutes. Des ralentissements également, j'en ai parlé, travaux sur le 19 envers Breda, hauteur de Brecht. Vous perdez toujours 20 à 25 minutes en direction de Breda. Et un accident s'est passé également, s'est déroulé sur le ring d'Anvers à hauteur d'Anvers Est. Deux bandes de circulation sont neutralisées en direction des Pays-Bas. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. 15h03, on continue sur Vivacité avec la suite du beau vélo de Ravel. Avec vous, Sylvie Honoré. On est tellement bien qu'on va évidemment rester ici. Merci, l'info revient à 16h. 13h, 17h, le beau vélo de Ravel sur Vivacité. En direct de Namur, en direct de la Citadelle, après avoir eu la fraise, vous avez maintenant, Olivier, la frite. Mais oui, la frite, parce qu'il y a toujours cette histoire qu'on va vous rappeler quand même, parce que les Namurois revendiquent la paternité de la frite à la belge. Ah, d'accord. Amélie, racontez-nous rapidement cette histoire. Alors, il se raconte que dans la Meuse, on pêchait des petits poissons que l'on faisait frire, et puis un jour, la Meuse a été complètement gelée, et donc, les Namurois ont fait la même chose avec des pommes de terre, d'où l'origine de de la frite à Namur. La frite surgelée alors. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Et on a la frite nous, hein, c'est le cas de le dire. Il va falloir la voir en tout cas parce que Adrien, je vois arriver le pont de jambes. Ce qui veut dire qu'on va arriver au pied de la route merveilleuse. Oui, oui. Maxime Prévost, généralement vous faites cette route merveilleuse en courant, en jogging, mais là, à vélo, avec l'aspirateur du peloton, ça va aller tout seul. Bon, ça je ne sais pas. C'est la première fois que je vais m'y risquer à vélo. Je l'ai déjà fait plusieurs fois lors du jogging de Namur. Et c'est vrai que c'est merveilleux. Ça porte d'ailleurs très bien son nom. Et surtout quand la météo est aujourd'hui aussi ensoleillée, ça permet d'avoir une vue panoramique sur la ville. Franchement, on voit qu'on a quand même une belle ville ici à Namur. Et oh. Je vois des gens nager dans la Meuse, c'est permis ça? Oh, alors risque et péril, bien entendu. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est dans un contexte où le beau temps étant de la partie, les bords de Meuse, de Sambre, qui sont des atouts exceptionnels sur le plan de l'aménagement de la ville, mais aussi du tourisme, doit être mieux utilisé, valorisé. On passe ici devant la capitainerie, par exemple, à Jambes, du port de Plaisance, où il y a pas mal d'activités qui se font avec des sauts dans la Meuse, notamment à partir du block jump. Et donc, vraiment, pour tous ceux qui ont envie d'apprécier le plan d'eau, et la Meuse, en plus, est de loin de meilleure qualité aujourd'hui qu'il y a quelques années, mais il ne faut pas hésiter à en profiter. Je l'ai fait ce matin pour tout vous dire, et vous verrez ça demain à 13h30. Quand vous avez sauté dans la Meuse? Ah, oui, oui, Non. Vous verrez demain en télé, j'en dis pas plus, c'est Christophe. Ah, Christophe, en fait, vous m'avez poussé dans l'eau. Je laisserai la surprise aux téléspectateurs. Nous nous sommes battus vaillamment et amicalement. D'accord. Alors, rassurez-moi, Adrien, on n'est pas obligé d'adapter notre vitesse à celle du final du Grand Prix de Wallonie. Non, ni du Giro qui est passé par ici. Non, on le fait en pédale douce. Hier, à la répète avec Fred Solvel et Aurélie Ougardi qui réalise cette émission, on a mis 11 minutes pour grimper. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la vidéo accélérée de l'étape d'aujourd'hui par Fred Solvel. Parce que vous allez pouvoir faire en 45 secondes l'ensemble des 25 km de l'étape. On a été un petit peu moins vite quand même, et à mon avis dans le final on va encore un peu ralentir la cadence. Rendez-vous en haut. J'ai vu cette vidéo, Adrien, très sympa en tout cas de vous avoir vu au niveau de la répétition, faire en effet fièrement cette montée, mais vous étiez évidemment un petit groupe, donc ici à mon avis ça prendra un petit peu plus de temps. La route merveilleuse comme on l'appelle, et venez évidemment le plus régulièrement possible voir un petit peu ce qui se passe sur cette route merveilleuse, parce qu'il s'en passe des choses ici à la Citadelle. Il y a déjà pas mal de vélos de retour, voilà, je dis ça, je ne dis rien, mais il y a déjà pas mal de personnes qui sont de retour et qui profitent déjà ici des animations en place depuis ce matin. Voilà ce qu'on vous livre. Et vous verrez tout ça en télé demain à 13h35 sur la Une. Et vous verrez ça aujourd'hui, quand vous le souhaitez, en images et en photos sur la page Facebook et en vidéo, puisque la vidéo de la répétition est en ligne également. Voici Juliane Peretta qui sera en concert avec Vivacité dans le cadre du festival Seine-sur-Sambre à la fin du mois d'août à l'Abbaye d'Aulne. Voici Miracle. When the leaves turned brown, I watched it burn across the sun and above the clouds. The sirens clear, I'm ready to fall and find a lover that was meant for me. When the wolves run wild, I see myself, but you won't take this road I go down. The nights grow cold, the flame goes out. Living forever in a ghost town. You save me, I'll save you. A miracle that was meant for two. I'll save you, you save me. A miracle with every beat of my heart. Oh yeah. every beat of my heart. Julianne Perretta, sous le soleil de Namur, sous le soleil de Belgique, dans vos oreilles, où que vous soyez. Ah oui, on a envie de venir voir un petit peu comment ça se passe. Je vous entends. C'est le gros du peloton. Ouais, je vous entends avoir quelques difficultés dans la côte, plus vous, Olivier Cadrien, n'est-ce pas? Mais comment osez-vous? Mais je pense. Non, il suffit de se mettre dans le bon rythme. Ouais, en danseuse. De commencer à grimper sans se mettre dans le rouge, donc je veux dire que sans parler à la radio, ça va très bien. Et là, Amélie, je vais évidemment faire le très gentleman garçon bien élevé pour passer la parole à celle qui est derrière moi. Amélie, nous allons arriver bientôt déjà au pont des Hollandais, donc les lacets du début de la côte sont derrière nous déjà. Oui, tout à fait, pas très sympa l'interview en plein milieu de la côte. Bon, comment vous la trouvez vraiment merveilleuse, cette côte? On a une belle vue, hein. Vous avez l'occasion d'en profiter, parce que là, je crois que vous avez vu sur sac à dos, en fait. Non, mais on a quand même une belle vue. Si on regarde à droite, on voit Jambes, les ponts, le bas de la ville, le Grognon. Voilà. Le Parlement wallon qu'on devine également là-bas. Un ancien hospice, le Parlement wallon, Parlement depuis 98. Et juste en face, le palais provincial. Oui, tout à fait. Voilà ce qu'on a sur notre droite. Adrien, est-ce que vous voyez d'autres choses dans ce panorama? Adrien? Oui, vraiment... C'est bien, pensez à autre chose. Eh bien, je crois qu'Adrien est concentré sur son guidon, vous voyez. Oui, c'est ça. Et qu'il ne nous écoute pas. Il est dans son effort. On va vous laisser dans le vôtre. Pour arriver à se hisser sur l'esplanade. L'esplanade qui est maintenant... Oh, le plus dur est fait, hein. Il reste le tournant pour passer au-dessus du pont des Hollandais, alors que nous passons juste en dessous, oui, pour le moment. Il reste la tête d'épargne aussi. Vous dites quand vous voulez. Et puis, juste après, alors il faut peut-être couper Adrien pour Laurent qui nous écoute. Et juste après, donc, la dernière ligne droite pour arriver sur la citadelle. Pas de problème, on vous laisse dans l'effort. Vraiment, c'est vraiment, la plus belle vraiment... côte de la saison, on peut oui, le dire. Bah hein. Oui, ça c'est sûr. Ça, c'est pas sûr. Au niveau difficulté, mais au niveau beauté, de toute clairement, façon, elle a la palme. En même temps, Olivier, en même temps, nous sommes clairement conscients que les ravelistes aiment les côtes difficiles. C'est vrai, quand on leur demande après coup ce qu'ils relèvent un petit peu de l'étape, eh bien on se rend compte que ce sont les étapes les plus difficiles qui restent finalement. Au moment même, peut-être pas, mais au niveau souvenir, comme on s'aide les uns les autres dans le peloton, tout à fait. Ça crée des liens aussi entre les ravelistes, de souffrir, entre guillemets, souffrir ensemble. Voilà, je dis ça pour ceux et celles qui ne prennent pas part à la balade et qui se demandent peut-être chaque semaine, mais comment ça se fait qu'on fait pédaler des personnes qui n'ont pas l'habitude de pédaler dans des côtes comme celle-là. Ils sont mazos, ces gars de la radio. Oui, et bien même ces personnes qui n'ont pas l'habitude de pédaler aiment ce genre de défis. Voilà, et on en est conscient. Et ce sont des défis relevés chaque semaine. Et en parlant de défis, on aura l'occasion aussi tout à l'heure de parler avec la Croix-Rouge de Belgique qui est là chaque semaine, parce que sachez qu'on sécurise évidemment toutes nos balades, et je parle en connaissance de cause pour celles et ceux qui n'ont pas l'habitude de venir nous rejoindre ou qui se tâtent encore, parce qu'il y a chaque jour des personnes qui ne connaissent pas encore l'événement, ou en tout cas qui en ont entendu parler, qui prennent part à l'événement proprement dit et qui se disent, mais voilà, est-ce que tout est mis en œuvre pour? Eh bien oui, sachez-le, et nous avons chaque semaine des secouristes à vélo aussi qui représentent la Croix-Rouge, et nous avons aussi des postes de secours. Ne vous inquiétez pas, et je peux vous assurer aussi qu'en 8 étapes, ils ne sont pas très fréquentés, ce qui pour nous est un gage de réussite. Voilà. Voici Passenger, en tout cas dans quelques instants, c'est Passenger dans vos oreilles. Le 43e Festival International des Arts de la Rue se déroulera à Chassepierre, près de Florentville, les 20 et 21 août prochains. Circassiens, comédiens, musiciens, danseurs, professionnels venus du monde entier vous enchanteront, avec d'habiles équilibres et tout un jeu de subtils contrepoids. Préparez votre festival sur chassepierre.be, avec Vivacité et La Une. Fanny ? Oui, monsieur ? Pourriez-vous appeler Convert, notre agence intérim ? À quel sujet ? Vous savez, j'avais promis un tour du monde à ma femme. Eh bien, nous partons. Mais qui va s'occuper de la gestion, du commercial ? Et en plus, vous êtes aussi parfois sur chantier ? Justement. Appelez Convert. Ils ont les bonnes personnes pour chacun de ces jobs.

is burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Passenger sur Vivacité. Alors si je me mets sur la pointe des pieds, là où je me trouve depuis le sommet de la citadelle, je vous vois arriver. Olivier, vous êtes derrière Adrien. Adrien, vous êtes en tête. Adrien, vous avez franchi la ligne d'arrivée, tous les deux. Je dois avouer qu'Olivier avait un cheveu d'avance. Un petit chouïa, parce que nous avons dû slalomer, Olivier, entre les voitures revenant d'une fête de mariage. Oui, exactement. Et je suis pas sûr que les mariés soient prêts d'arriver à l'apéro avec tous les vélos qui sont en train de monter. La descente de la route merveilleuse. Petit point d'infotrafic pour Marco Larbovi qui nous écoute. Il vaut mieux l'éviter dans le sens de la descente pour le moment. C'est plus prudent. On vient d'arriver au village. Amélie, alors vous le craignez depuis le début de la balade, vous qui êtes une grande sportive quand même, mais avec une toute petite blessure musculaire pour le moment, vous craignez cette route merveilleuse. Hein. Mais je l'avais déjà fait en courant plusieurs fois, sans problème, et en vélo c'était la première, mais ça va. Ça va, ça va. À refaire. À refaire, avec le paysage ça vaut vraiment la peine. Et donc demain vous pourrez dire qu'elle était vraiment merveilleuse. Et ben voilà, Adrien, c'est pratiquement le mot de la fin. Pas vraiment, parce qu'on a été champion au niveau de la distance aujourd'hui. Regardez l'heure. Ouais. Il est à peine 15h20 et nous sommes déjà arrivés au village du Beau Vélo. On va avoir encore plein de choses à vous dire d'ici 16h avant le début de backstage. Évidemment, Adrien, qu'avez-vous sous le coude ? Eh bien, j'ai quelques tours parce que Christophe Bourdon, derrière moi, a plus d'une tour dans son sac. On voit que vous avez vécu à Namur. Pendant toute l'ascension, Christophe, vous m'avez parlé des tours que nous avons longées. Ah, il y en a plus d'une. Il y a la tour joyeuse, il y a la tour du guetteur, il y a la tour aux chartes. Qu'est-ce qu'il y a encore? La tour au four. La tour Rayère, c'est ailleurs. Hein, Ouais, la tour Rayère, c'est un peu plus loin. D'accord. Et puis évidemment, la tour du guetteur, d'où on a pu guetter la queue et le gros du peloton qui suivait. Un peloton qui sourit. Allez, un tout petit micro-trottoir à l'arrivée. Vous avez fait cette côte? Sans problème. C'est vrai? Avec les bébés, les enfants? Avec les enfants. Quoi, sur une petite remorque? Non, les enfants sur un petit siège, le papa. Il est où le papa? Médaille d'or au papa là. Ah ben oui. Ok. C'est ça aussi le Beau Vélo de Ravel, c'est faire une sortie en famille. Exactement, en famille, c'est ça qu'on aime bien. Elles ont quel âge les petites princesses? La plus petite Sarah a 2 ans et demi et la grande 5 ans et demi. D'accord. Donc papa porte les princesses et puis encourage maman dans la côte. Oui, enfin aujourd'hui maman travaille mais. Très bien, en tout cas bravo. Christophe, félicitations pour ce retour dans la grande famille du Ravel. Écoutez, je suis un peu déçu parce que je m'étais mis un défi, c'était de vous dépasser sur le tandem et je suis resté derrière vous jusqu'au bout. D'accord. Vous m'avez encore battu, Adrien. Oui. En tout cas, bon, bah, comme on est en famille, Olivier, on peut le dire, j'ai eu la chance d'inviter ma maman dans ce peloton, ouais. Escortée par Marty qui l'a promenée, baladée sur un vélo adapté, Marty. Oui, un vélo Pinot qui permet justement des personnes qui ont un peu moins de mobilité de profiter de cette merveilleuse balade, voilà. Ma mobilité au service des gens qui en ont moins, c'est extraordinaire. Humainement, c'est très riche. Merci à toi, Adrien, de m'avoir proposé de piloter ta maman. Elle est vraiment formidable. Oui, juste un mot de maman. Moi, je dis que c'est Marty qui est formidable et que je le remercie d'avoir pu faire cette balade et découvrir cette superbe nature et l'extrêmement bonne ambiance qui règne au sein du peloton et l'organisation parfaite. Elle ne peut pas dire le contraire. Merci encore, Marty. Qu'est-ce que vous voulez là? C'est comme les enfants, hein, ce sont les mamans qui en parlent le mieux. La vérité sort de la bouche des mamans. Oui, voilà. Adrien, il faut préciser que c'est la toute première fois que votre maman participe à une étape sur un vélo avec nous. Oui. Après 18 saisons, c'était une belle occasion de venir et je l'ai vu pédaler. Parce qu'elle donne tout le mérite à Marty. J'ai vu votre maman donner des tours de pédale à l'avant du vélo. Je confirme, c'est vrai. Elle m'a vraiment aidé. C'est vrai. Oui. Comme quoi, tout peut arriver. Hein. De nouveaux auditeurs qui rejoignent le peloton après 18 ans. Et j'ai réussi à convaincre ma maman. Voilà. Donc ma journée est faite. Moi, je suis le heureux des hommes. Voilà. On a fait une toute petite parenthèse familiale, mais c'est ça aussi Vivacité. C'est ma radio complicité. On peut se permettre un petit peu. Oui, c'est une grande famille. Hein. Voilà, mais bien sûr. Chacun s'y retrouve. Voilà. Tout le monde s'y retrouve. Ça aussi, c'est un de nos slogans, donc c'est évidemment très important de mettre à l'honneur des gens qui nous sont importants. Bon, tous les ravelistes nous sont importants, hein. On va les comptabiliser, mais à mon avis, nous étions quoi, 8000 la semaine dernière. Alors, on est, à mon avis, un peu similaire au niveau du nombre. Ça sent le record aussi pour cette étape ici en direct de Namur, vu le nombre de cyclistes, de ravelistes qui ont pris part à la balade, vu le nombre de personnes qui sont arrivées avant ou après pour les activités annexes, pour les showcases annexes. Donc on comptabilisera tout ça, en tout cas grosso modo, hein, tout à l'heure évidemment. Les showcases commenceront à partir de 16h30. Chaim s'inscrit dans la programmation d'aujourd'hui avec la Malice. Idéaliste, maman disait que nos rêves parfois rien les réalise. Qu'on me baïonne, qu'on me taise, qu'on me laisse dire ce qui me plaît, qu'on me pardonne, qu'on me protège, mais qu'on me laisse vivre ma liberté. Et je dis vive à la malice, ne nous prenons surtout pas au sérieux. Nos éclats de rire sont nos complices, nous ne sommes pas les plus malheureux. Viva la mala mama, viva la mala mama, viva la mala malice. Viva la mala mama, viva la mala mama, viva la mala malice. Je veux vivre, je veux créer, je veux rire, je veux crier haut et fort toutes mes conneries, mes délires. À tort ou à raison, on verra, il n'en tient qu'à nous. Soyons forts, soyons fous et rien à foutre ce qu'ils pensent de nous. On me baïonne, on me taise, ou qu'on me laisse dire ce qui me plaît, qu'on me pardonne. Viva la mama, la malice. Voilà pour le titre de l'émission en parlant de la chanson, pardon, en parlant de mama. C'est Tima tout à l'heure qui sera avec nous, la mama de Boris, et peut-être même que le fils prodige, on va dire, talentueux Boris, talent de The Voice, sera avec elle et l'accompagnera pour un duo showcase tout à l'heure avec le soutien de Joker Plus. C'est en tout cas un des groupes, des duos programmés de tout à l'heure. Alors, nous parlons des événements annexes, évidemment, à la région que nous traversons chaque chaque semaine, Adrien. Je connais les choux marins, mais je ne connais pas les scouts marins. Et pourtant, ils sont bien là. Arnaud va nous en parler. Arnaud, les scouts marins ici à Namur, c'est une institution ? Ah, les scouts marins, ils sont là depuis longtemps. Ils sont là depuis 1960. Et donc, nous, on profite de la Meuse. On fait du scoutisme nautique. Alors, au début de la matinée, Christophe Bourdon, notre invité d'honneur, et moi-même, nous avons simulé une joute que vous verrez demain en télé. Parce que c'est le week-end des joutes nautiques à Namur et ce sont des embarcations qui ressemblent un petit peu à celles que l'on peut voir sur le canal du Midi, les joutes que l'on peut voir à Sète par exemple. C'est très impressionnant, Christophe. Exactement, et moi ce qu'ils m'ont appris c'est que les barques en fait ce sont d'anciennes barques qui faisaient la descente de l'Est pour les groupes et donc ils les ont recyclées et ils ont des tenues je pense qui ont même plus de 40 ans et on avait des gilets pour nous protéger et ils m'ont même dit que c'était des gilets qui avaient fait le débarquement en Normandie. Apparemment c'est pas une blague, donc c'est des gilets que les Américains avaient au moment du débarquement, vous vous rendez compte? Oui, et les gilets flottent parce que vous m'avez mis au jus et ça fait un peu gilet de sauvetage en même temps. On va pas en dire trop, hein. Non, en fait, on n'a pas vraiment simulé, moi j'ai vraiment joué le jeu. D'accord. Alors on peut raconter, expliquer un peu Arnaud ce qui va se passer demain, dimanche 14 août, ici à Namur, à La Plante. Donc demain à La Plante, à 15h, on va avoir le concours des joutes nautiques. Donc c'est l'affrontement de 8 jouteurs et l'avènement d'un roi au bout de la lutte. Depuis des années, c'est un Burundais qui gagne, il s'appelle Innocent, il est quasiment indétrônable et bonne nouvelle, cette année Innocent est parti en vacances dans son pays natal, il y a une place à prendre. Oui, en fait il y a deux grands candidats, donc il y a Frédéric Hutzemaker qui a déjà gagné 7 fois et Innocent a gagné 4 fois, il est très fort et quand il n'est pas là, il ouvre une place mais Fred l'a déjà battu et il y a moyen. Alors il y a les bleus contre les rouges, c'est qui les bleus, c'est qui les rouges? Alors les rouges c'est nos amis Plantois et les bleus c'est les gens en bois. D'accord, donc c'est gens contre La Plante, c'est les deux côtés du fleuve en fait qui s'affrontent. Oui, c'est une rivalité un petit peu qu'on fait vivre, mais au final on est Namurois, on est amis, on s'amuse bien, on passe une bonne grosse semaine ensemble pendant les entraînements et on est amis, mais ce jour-là on est en guerre pour la lutte pour avoir le titre de roi des joutes. D'accord, parce que Plantois ou gens en bois, vous êtes Namurois en fait. Effectivement, c'est le folklore Namurois qu'on veut mettre en valeur. Alors il y a des filles à bord, il y a des filles qui battent le tambour. Oui, il y a des filles qui pagaient aussi, donc c'est ouvert aux filles aussi. Maintenant, il n'y a pas de filles qui jouent, ça c'est pas encore fait. Alors, il y a des tout jeunes, t'as quel âge toi ? 15 ans. Et tu joues ou tu rames ? Je pagais. Tu pagais ? Ok, et toi ? Moi j'ai 28 ans et je rame, ça fait 8-9 ans ouais. Que je fais ça. Et moi j'ai 56 ans, ça fait 30 ans que je rame, mais dans les couloirs de l'air. Moi aussi, je rame pas mal. Oui. En tout cas, je sais pas si c'est pagué, mais ça a l'air gay. Hein. Alors, ils sont habillés avec des vêtements. Vous êtes habillés avec des vêtements en toile, la fameuse toile de joute, hein, évidemment. Oui, je crois que j'ai fait tous les mauvais jeux de mots possibles, il vaut mieux que j'arrête là. Oui, bon, c'est très très bien. Rendez-vous donc demain à La Plante. Demain 15h à La Plante. Il y a la brocante qui se passe avant et puis après, les joutes nautiques de Bulet. Voilà, eh bien, on voulait vous donner un petit coup de pouce et vous mettre en avant. C'est une belle manifestation populaire qui survit depuis 1960 ici à Namur, Sylvie. Oui. Merci beaucoup. Donc moi, je retiens la phrase du jour, il n'y a pas de filles qui joutent. Oh. Pas encore. Oh, pas encore, il n'y a pas de filles qui joutent. Voilà, ça sent peut-être le message, ça, Sylvie. Hein. Pour les filles qui viendront voir demain, voilà, et qui auront envie de tenter l'expérience. Voici Scheim. Non, Scheim, on l'a eu déjà. Voici Kyo et Sita avec Le Chemin sur Viva. Le beau vélo de Ravel avec notre partenaire Electrabel. Electrabel et Kito sont prêts pour de belles balades au beau vélo de Ravel. La Pro League, la Coupe de Belgique, la Champions League, l'Europa League, les Diables Rouges. Vivacité, le top du foot, c'est chez nous. En télé, sur la Une. Le garçon avait entre 15 et 20 ans. On a trouvé d'importantes traces de cocaïne et d'ecstasy dans son sang. Ma fille n'a que 14 ans. Si elle a disparu, c'est qu'il lui est arrivé quelque chose. Ce n'est pas un gros trafiquant, mais il aimerait bien le devenir. Il était à Sainte-Dame ce week-end. Meurtre à Sainte-Dame, saison 5, dimanche soir sur la Une. Ce samedi sur Vivacité, vous avez rendez-vous avec Julianne Peretta, Louane. Cœur de pirate, Lost Frequencies. Dès 17h, Marc Vernon et Marion Jomotte vous font vivre en direct les meilleurs moments du Brussels Summer Festival. Sophie, ça va? C'est bon la confiture materne sur les doigts? C'est trop bon. Merci les fruits. Merci materne. Et sur une tartine, t'as déjà essayé? Ah bah oui, c'est encore meilleur. L'auto présente le mois de Wout. Chaque mercredi, 500 000 euros ajoutés au jackpot. Et ce samedi, un tirage très, très wow. Près de 2 millions d'euros à gagner. Jouez au loto. Kyo et Sita avec Le Chemin sur Viva. Le Chemin vous a ramené via la route merveilleuse vers nous, vers tous les rêves. Il y a du monde quand même, hein, Adrien, Olivier, vous êtes dans la foule. Il y a quand même du monde. Vous êtes, Olivier, en ce moment en train de déguster les produits que j'ai déjà tâtonnés tout à l'heure. Mais oui, c'est notre QG, vous le savez. Oui, on est attirés. De bons breuvages, de bonnes brasseries, de bons produits de bouche. Alors, vous avez dégusté quoi, vous, tout à l'heure, Sylvie? Tout. Ça, j'ai fait. Et ça encore, voilà. Et ça aussi. C'est honnête de nous le dire. Et Amélie, vous avez déjà dégusté quelque chose depuis votre arrivée ce matin sur le site du village du Beauvélo? Le jus pomme fraise. Sympa. Le jus pomme fraise. Ah oui, moi j'ai dégusté le simple fraise tout à l'heure. Wépion. Ah, Wépion, il n'y avait pas que de la fraise, il y avait aussi la Wépionnaise qui n'est pas brassée à Namur. Par contre, maintenant il y a des bières qui sont vraiment brassées sur le territoire du Namurois, ce qui est un peu nouveau quand même. Hein. Effectivement, on en a deux. On a la Houppe qui est brassée à la plante, qui est là depuis 2013, mais qui est effectivement brassée depuis 2013. 2015, et la Philomène qui vient d'arriver à Malone. Voilà, la Philomène, on a évoqué quand on est arrivé à Malone, c'est en fait le nom de la cloche de l'église, l'ancienne église dans laquelle la brasserie est installée. On sonnait la cloche pour la Sainte Philomène, et donc pour voilà, c'est comme ça qu'on a appelé la bière la Philomène. Et ben voilà, Adria qui cuisinera, on le rappelle, cette bière ce soir hein, dans mon plat préféré. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir à déguster là? Parce qu'on a un peu de tout devant nous. On a du miel avec même des abeilles venues de Maretsu. On a de la Bertinchamp qui est le QG de l'équipe du Beau Vélo. Je vois qu'on a également des jus. Hein, bah justement, le fameux jus pomme fraise que vous dégustez tout à l'heure. Et du sirop également. Qu'est-ce qui vous fait envie, Amélie? Bah, les jus ont l'air sympas. Bon, bah, on retourne au jus. Et vous êtes toujours au jus aussi, vous, Adrien? Oui, mais je ne suis pas seul parce que sur mon tandem, j'ai Christophe Bourdon. Christophe Bourdon, qui a des ascendances amuroises, mais aussi grecques, j'ignorais ça. Eh ben, ma maman est à moitié grecque, mon grand-père maternel était grec, en effet, oui. Alors c'est ça que vous arrêtez à un stand d'une bière belgo-grecque. Ah, moi, dès qu'il y a du grec, je suis attiré naturellement. Oui, donc on est devant une bière qui s'appelle la Notias. Alors si j'ai bien compris, ça, c'est une bière à base de safran. Et donc, vous me corrigez si je me trompe, le safran vient de Grèce, c'est ça, mais elle est faite en Belgique. La bière est faite en Belgique, le safran vient de Grèce, et le projet solidaire, c'est la culture du safran. Donc on a essayé d'aider des paysans grecs à développer une culture intéressante pour eux, qui tombe très bien parce que le safran en fait pousse très bien dans la montagne, se satisfait de très peu d'eau, et donc les paysans grecs cultivent le safran, on leur rachète le safran au prix légèrement supérieur au marché, et nous avec le safran on fait une bière à Chimay. Voilà. Jusqu'à présent on fait une bière, mais on fera d'autres choses. Françoise Crenn qui est une des pionnières de cette bière Notias, produite à Chimay avec du safran du Péloponnèse. Verdict de Christophe Bourdon, qui est un spécialiste quand même de la bière. Oh, n'exagérez pas, bière blonde très douce, très agréable en bouche, très rafraîchissante. Moi j'aime beaucoup, vraiment. Yamas, j'en bois. Yamas. Je sais pas si ça s'entend à la radio, mais j'en bois. Yamas. Et d'ailleurs, faites-nous un peu rêver. Vous revenez de Grèce, vous avez passé vos vacances là-bas? À Syros, une petite île de Grèce magnifique. Et j'ai découvert l'hospitalité des gens de Syros. Et franchement, je recommande. D'accord. Pas trop pour qu'il n'y ait pas trop de monde qui y aille. Attention, Christophe, de ne pas abuser, sinon c'est la cirrhose. Oui, parce que trop de bière, on a la cirrhose après à Syros. Oh là, je vous laisse maître de ce jeu de mots. Alors, c'est mon influence. Hein. Vous commencez à faire des très mauvais jeux de mots comme moi, Adrien. Je ne sais pas comment on va finir la journée à ce rythme-là. C'est contagieux, je m'écarte. Je m'écarte. F. Caristo Parapoli pour la dégustation. Yassas. Stokal Napate. Ah, d'accord. Mais, madame, à vos souhaits. À vos souhaits. Très bien. Très bien. Mais voilà, il y a plein de choses, Sylvie, à découvrir dans ce village. Hein, vous et le voyez. Oui, et c'est vrai qu'on se dépayse finalement et on voyage rien qu'en goûtant les produits de bouche offerts chaque semaine par la PAC W, puisqu'elle recense cette association, tous les producteurs incontournables des régions que nous traversons. À tout de suite. They tell you lightning strikes once. Well, they got me and I got lost. lights, you guide me home. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. When lightning strikes, you guide me home. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. When lightning strikes, you guide me home. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. When lightning strikes, you guide me home. Sur Viva avec Home. Il y en a qui sont à domicile, bien entendu, les Namurois qui sont chez eux, et puis il y a tous les autres qui sont malgré tout un peu toujours à la maison. Ça constitue une grande famille, le beau vélo de Ravel, et c'est pour ça que chaque semaine on prend beaucoup de plaisir. Et comme je vous le disais tout à l'heure, beaucoup de plaisir sécurisé. C'est pour ça que dans quelques instants nous allons mettre les secours de la Croix-Rouge à l'honneur, puisqu'ils nous accompagnent à chacune des étapes, et jusqu'à présent pas trop de gros bobos. C'est de la bobologie. Bonjour Marc Hasselbourg, c'est ce que vous m'avez dit. Hein. Jusqu'à présent, une quinzaine quand même de soins. Ah oui, oui, oui. Aujourd'hui, déjà 15 petits soins, des chutes. Des bobos. Oui, des petits bobos. Bobo c'est léger. Ce terme super, bobologie, qui fait bien rire Adrien depuis qu'il a entendu ce nom. Ben oui, ben, et ça fait rire tout le monde. Parce que tant que c'est de la bobologie, je vais dire, ça nous satisfait. On va rappeler dans quelques instants les missions de la Croix-Rouge et surtout ce qu'elle déploie comme moyen chaque semaine. Vivacité présente le 17e Hatt Open, tournoi international de tennis en fauteuil roulant du 17 au 20 août au RTC Hatt. 60 participants, dont nombre du top 50 mondial. Un tableau réservé aux juniors. 12 500 euros de prix. Spectacle exceptionnel et gratuit tous les jours. Info hattopen.be avec nos télés et l'avenir. Cette promo sur les cubis. Oui, chez Intermarché, du 12 au 14 août, les cubis sont en 1 plus 1 gratis grâce à la carte de fidélité. Et nous sommes ouverts ce lundi 15 août. Horaire en magasin et sur intermarché.be. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse. Et si les entrepreneurs wallons bénéficiaient de plus d'un milliard d'euros pour leur crédit? C'est le cas. CBC Banque Assurance. Décidez d'avancer. Beau vélo de Ravel. Le beau vélo de Ravel avec tous nos partenaires, bien entendu fidèles, et on compte sur eux à chacune des étapes, comme les secours de la Croix-Rouge de Belgique. Vous êtes directeur du département des secours de la Croix-Rouge de Belgique, Marc Hasselbourg. Alors c'est vrai qu'il est important de rappeler les missions de la Croix-Rouge que vous déployez aussi comme moyen de semaine en semaine, Marc. Eh bien voilà, la mission principale de la Croix-Rouge de Belgique, c'est d'être auxiliaire d'État en cas de catastrophe, être présent le plus rapidement possible sur une catastrophe. Que ce soit une catastrophe ferroviaire, une catastrophe naturelle, une catastrophe autoroutière, tout ce qu'on peut imaginer comme catastrophe, la Croix-Rouge doit arriver dans un délai très très court sur les lieux et déployer les moyens de secours adéquats. Et ça, c'est le plus important. Et pour ce faire, et je pense que c'est important de faire un lien avec le beau vélo de Ravel, pour ce faire, il y a un nombre énorme de volontaires qui doit, au cours de l'année, être toujours au top, être toujours entraîné. Et les activités préventives de soins servent bien entendu aussi à rendre secours à la population sur place, mais aussi à entraîner toujours toutes les troupes pour être présents lorsqu'il y a une grosse catastrophe. Voilà, vous gérez en effet les grands événements en termes de sécurité paramédicale. Vous avez une action préventive de secours ici, comme vous l'avez dit, la partenaire de la santé publique en cas de plan catastrophe. catastrophe. Alors c'est vrai qu'ici, non seulement vous êtes présent sur le site d'implantation avec, avec vos tentes, avec vos bénévoles et vos secours, mais aussi sur, le, sur la balade. Mais je pense qu'il faut peut-être répondre en termes de secours aux besoins réels. Et le besoin, il se trouve sur la route ici. Il se trouve sur la route et nous avons deux vélos qui chaque semaine accompagnent le peloton. Et ces deux secouristes qui le font avec grand plaisir sont présents et sont reliés soit à une moto, soit à une ambulance, soit à une autre auto par une radio. Et donc tous les soins peuvent se coordonner très facilement. Et donc c'est notre objectif d'être présent au cas, en cas de petit bobo. En cas de petit bobo, je dis, mais aussi en cas de choses graves. Parce que le beau vélo de Ravel, c'est aussi des personnes qui font du vélo de manière très occasionnelle. Absolument. Et donc le papy qui veut accompagner ses petits-enfants, qui ne fait plus du vélo depuis une quinzaine d'années, risque aussi quelque chose. Et je pense qu'on doit être présent de la même manière pour la petite chute comme la chose la plus grave qui puisse arriver. Absolument. Vous faites bien de dire ça parce qu'en effet, il y a des personnes qui viennent occasionnellement sur Beauvélo de Ravel et parfois, c'est vrai qu'on n'y est pas tout à fait préparé. Vous parlez des grands-parents ou des parents, hein, parfois des parents un peu moins actifs qui en effet n'ont pas l'habitude aussi. Et puis, il y a l'effet foule, l'effet masse. Et ça peut freiner aussi des personnes en disant il y aura trop de monde, on ne va pas y aller parce que c'est dangereux. Donc c'est vrai que c'est le mot dangereux parfois qui nous freine un peu. On ne sait pas trop quoi dire par rapport à ça. Mais là aussi, vous êtes là pour donner des conseils et pour prévaloir un petit peu, prémunir un petit peu tout ça. Mais bien sûr, dans les grands festivals cet été, on a été présent aux 24 heures de Louvain-la-Neuve. On sera présent également. Et je pense que le logo Croix-Rouge, la tente Croix-Rouge, est un signe, est un symbole fort de ralliement lorsqu'il y a quelqu'un un souci. Et je le remarque au fur et à mesure du temps. J'ai vu tantôt des personnes qui venaient pour demander de la crème solaire, par exemple, à la tente de la Croix-Rouge. Et bien finalement, c'est très important d'être présent pour toutes ces petites choses-là, mais également dans des grands festivals. Et puis finalement, je vous disais aussi, c'est répondre aux soins qui sera là à ce moment-là, parce que la personne qui est en souffrance, son soin est le plus important du monde à ce moment-là. Eh ben voilà, c'est vrai que même s'il y a du monde, même s'il y a la foule, je vous assure que par rapport à la Croix-Rouge, évidemment, par rapport aussi à tous les bénévoles qui sont là pour sécuriser le parcours, parce que ça aussi, on a envie de mettre ça en évidence chaque semaine, c'est sécure, en tout cas, dans la plupart des cas, bien entendu, on n'est pas à l'abri d'un accident, de quelque chose qui pourrait se produire, mais je peux vous assurer, si vous nous écoutez en ce moment précis et que vous vous dites « Ah oui, mais il y a trop de monde, on ne va pas venir parce qu'on a peur, évidemment. » Et même les parcours ont été choisis en fonction, bien entendu. Parfois, il y a des rétrécissements qui se font. On n'a pas le choix, mais même les parcours ont été choisis en fonction de la foule. Merci Marc à Seulbourg et à la semaine prochaine, bien entendu. Enfin, vous restez encore là, mais la semaine prochaine, vous serez à nouveau là avec nous à Arlon, Marc. Eh bien, ce fut vraiment un très grand plaisir et ce sera encore un très grand plaisir de vous accompagner jusqu'à la fin de la saison. Ah ben, c'est sûr, il en reste encore 5 de saison, donc c'est sûr qu'on compte sur vous, la Croix-Rouge, donc un de nos partenaires vraiment privilégiés par rapport à cette saison 2016. Alors que vous entendez peut-être de la corde Déon, juste derrière nous, c'est comme ça que commence nos showcase. C'est la partie after. Voilà, la partie showcase de chaque étape du beau vélo de Ravel, puisqu'il y aura dans quelques instants B.G. Scott avec tous ses talents. Il y aura Tima, la maman de Boris, qui sera là avec son fils. Talent de voice aussi. C'est un duo incontournable. Et puis Anouar sera également des nôtres. Ça, juste après Dire Straits, que voici. Shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime, sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside. In other places. doesn't wanna make it cry or sing. If any no guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. With the Sultans, with the Sultans of Swing. Hey. And a crowd of young boys, they're fooling around in the corner, drunk and dressed in their best brown baggies in their platform soles. Rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans that play Creole. Creole. Venir. Nous sommes dans le moment présent, ici à Namur, avec l'étape terminée, en tout cas pour les 20 km et cette belle remontée route joyeuse jusqu'à la citadelle où nous sommes. Vous êtes, Adrien, en compagnie d'une championne olympique. Oui, elle s'appelle Karine Van Puyvelde. Elle a réalisé cette étape sur un tandem. Karine, pour vous, c'était un premier beau vélo de Ravel à Namur? Oui, pour moi, oui. Avec Jean, mon pilote. Jean, vous êtes non-voyante, malvoyante? Malvoyante. Malvoyante. Oui. Vous avez participé aux Jeux Olympiques? Aux Jeux Paralympiques. En 88, 92, 96 et 2000. À voir votre carrure, vous seriez plutôt nageuse, non? Oui, vous avez tout à fait raison. Combien de médailles? J'ai eu 6 médailles, dont 2 en or aux Jeux d'Atlanta, aux 100 et 200 mètres brasse. Et dites donc... Quelques jours après Frédéric de Beaugrave. Donc, il y aura 20 ans dans quelques jours. Ouais, total respect. Hein. C'est vraiment une grande dame qu'on a en face de nous, Christophe Bourdon. Moi, je suis... Et Atlanta, elle m'a dit, en plus, elle a battu l'Américaine. Donc, vous imaginez, elle l'a battu sur son propre terrain, chez elle. Quand même, ça a dû être quelque chose, j'imagine. Hein. Oui. Exactement. Et comme moi, je ne vois pas le panneau d'affichage. C'est à la... volontaire qui m'a dit que j'avais eu la médaille d'or et donc là je me suis effondré. Ouais, alors 6 médailles d'or en 3 Jeux Olympiques et vous prenez encore 6 médailles dont 2 d'or. Ouais, c'est pas mal quand même. Hein. Ouais, ouais. Ne minimisons pas l'exploit. Vous venez de faire un beau vélo de Ravel. C'est un autre genre de sport, on va dire, accessible à tous. On est bien loin des Jeux Olympiques. Qu'est-ce que vous retenez de cette aventure aujourd'hui? Ah, mais aujourd'hui je trouvais franchement, bon, le temps y est, donc fatalement il y a beaucoup de monde et c'est super convivial, donc j'invite tout le monde à y participer. C'est vrai que la dernière boucle, le final était superbe pour moi, mais certaines personnes ont dû un peu suer, mais c'est magnifique. L'ambiance et le dynamisme que vous donnez, c'est magnifique. Alors, vous avez toujours le t-shirt olympique, hein, aux couleurs nationales, noir, jaune, rouge. Vous avez votre chien, c'est votre chien guide? Oui, enfin, il m'aide, oui. D'accord, d'accord. Et on n'a pas donné votre nom, Karine Van Puyvelde, namuroise, habité Floraine. Exactement, Floraine, oui. Eh bien, bravo. Olivier. D'où le fait qu'on pourrait dire 6 médailles, dont Médor. Oh, joli. Vous êtes en pleine forme. Mais écoutez, c'est l'attraction Christophe Bourdon avec nous. Vous-même, Adrien, les fameuses jovenades étaient sorties aujourd'hui. Donc, il faut pouvoir répondre du berger à la bergère. Et à propos propos de Bergère, celle qui m'a guidé aujourd'hui, c'était Amélie. Dernier petit mot, Amélie, peut-être pour, allez, en 30 secondes qui nous restent avant les infos, nous parler peut-être du pouce-pouce qui était dans, au départ, peut-être pas dans la montée de la Route Merveilleuse. C'est un des moyens de visiter Namur également, ce pouce-pouce. Oui, voilà, si vous voulez visiter Namur, je vous invite à prendre un petit pouce-pouce. Il se trouve soit place de l'Ange, soit devant l'office du tourisme à la gare, et ça vous permet de faire un tour de Namur en 30 minutes, en 60 minutes, et de voir un peu tout ce qu'il y a à voir d'intéressant à Namur. C'est vrai que si on préfère la voie d'eau, il y a également la Namourette, évidemment, et Sylvie. Bien sûr. C'est vrai qu'il y a tous les moyens qui sont bons pour rallier Namur et pour surtout découvrir Namur de l'intérieur. Merci à vous. Dans quelques instants, le flash de 16h. RTBF Ovio, c'est ma toute nouvelle plateforme digitale audio et vidéo. RTBF Ovio, c'est facile. C'est une foule de contenus accessibles où, quand et comme je veux. Sur ma tablette, mon smartphone ou mon ordi. rtbf.be/ovio. A-U-V-I-O. RTBF Ovio, libérez vos envies. Avec Lidl, faites du sport maintenant. Parce que le programme de cet été, c'est apéro, barbecue et glace. Alors accompagnez Lidl sur les étapes cyclistes du Beauvélo de Ravel. Rendez-vous sur notre stand Vitalité et tentez de gagner de nombreux cadeaux. Plus d'infos sur Lidl.be. Lidl, pour tout ce qui compte. Vous écoutez toujours Vivacité, il est 16h. Un nouveau flash présenté par Simon Bourgeois. Bonjour. Jeux olympiques, pas de médaille pour la Belgique en aviron. La finale du skiff vient de se terminer et Hannes Obreno termine quatrième au pied du podium. Mais belle performance quand même. Le Belge avait dit avant cette finale, il y a trois rameurs au-dessus du lot, je serai très content avec une quatrième place. Voilà donc qui est fait. La namuroise Nafissa Toutiam, elle, est toujours dans la course pour une médaille. Elle est deuxième de l'heptathlon après quatre épreuves. Il en reste trois à jouer et ça reprend dans une petite heure. Puis encore un espoir de médaille pour le Belge Philippe Malinoff. La finale du lancer du disque se joue pour le moment. Mais l'événement aujourd'hui à Rio, c'est l'entrée en lice de la star de l'athlétisme Usain Bolt. Le Jamaïcain courra les séries du 100 mètres d'ici une heure. Un syndicat peut-il payer les amendes de ses affiliés ? En mai et juin dernier, le rail avait été paralysé par des grèves spontanées. Sanction pour les grévistes 12,50 €, une somme d'argent que la CGSP compte rembourser. Pour le syndicat, ce mouvement de grève était légitime. La SNCB demande des explications et reproche au syndicat d'encourager les grèves spontanées. Pour le ministre de l'Intérieur, Yann Yambon, le groupe terroriste État islamique n'est pas impliqué dans l'attaque au couteau de deux policières à Charleroi. Daesh a revendiqué cette agression, mais pour Yann Yambon, en interview dans le journal L'Écho, c'est un acte isolé, rien à voir pour lui avec les gros attentats organisés par le groupe État islamique. C'était un symbole de la guerre froide. Il y a tout juste 55 ans commençait la construction du mur de Berlin en plein cœur de la ville. Il devait dissuader toute tentative d'évasion vers l'Allemagne de l'Ouest. Le mur aura tenu 28 ans jusqu'à sa chute sous la pression populaire en 1989. C'est une cérémonie d'hommage aujourd'hui à Berlin en hommage aux 138 victimes du mur. On fait un point tout de suite sur le trafic. Pierre Collard-Bourville, les routes sont chargées avec ce long week-end du 15 août et le gros soleil. Ben ça va encore, pas tellement, puisqu'il n'y a plus de ralentissement sur l'autoroute de la Côte, en tout cas, on ne nous signale plus rien. Un accident grave est survenu sur la N240 Pietre-Bay, Gré-d'Oiseau, entre les kilomètres 4 et 7, c'est à hauteur de Godchamp, pour être précis. La chaussée est fermée à la circulation dans les deux directions. Une déviation locale est mise en place. Plus de ralentissement aux frontières, au poste frontière français, tout est fluide pour le moment. Un véhicule est en panne sur le 19 Bruxelles-Valence. À hauteur de Mons, la voie de décélération est neutralisée en direction de Valenciennes. Le passage est difficile, nous dit-on, et on appelle à la prudence, bien évidemment. Alors, un accident sur la nationale 7 Halle-Tournay, à hauteur de Leuzan-Hainaut. La chaussée est fermée en direction de Tournay. Une déviation est mise en place via un rond-point. Objet encombrant, c'est un morceau de coffre de toit sur le 429 Halle-Tournay. Peu avant Lessine, la bande droite est encombrée en direction de Tournay. Et puis, toujours ces ralentissements dus aux travaux sur le 19 Anvers-Breda, à hauteur de Brecht. Vous perdez à nouveau plus ou moins 40 minutes en direction des Pays-Bas. Un problème sur la route ? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. 16h03, on retourne à Namur. C'est la suite du Beau Vélo de Ravel avec vous, Sylvie Honoré. Merci Simon, et justement dans l'heure qui va suivre, ce sont les artistes qui vont se produire ici en showcase que nous allons recevoir. Le journal revient à 17h.

Mani sur Viva en direct de Namur. Nous sommes toujours avec beaucoup, beaucoup de monde. Vraiment, on est content de voir cette couleur orangée, cette couleur bleutée aussi, puisqu'on rappelle depuis le début que c'est une étape spéciale handicap international. C'est l'accordéon qui prime pour le moment. Juste le temps de faire revenir les derniers, parce que le peloton s'étendait quand même sur plusieurs centaines de mètres, voire peut-être kilomètres. Alors, j'ai envie de demander à Anouar quel âge... D'abord, bonjour Anouar. Bienvenue. Bonjour. Quel âge vous aviez le 4 septembre 99, Anouar? J'avais 18 ans, je pense, plus ou moins. En 99, non, 8 ans. 18 ans. 18 ans. En fait, ce garçon paraît plus jeune que son âge. Mais oui, je pense. Parce qu'on vient quand même, il faut le dire juste de façon anecdotique, de recevoir des photos de nous, Adrien, de notre premier beau vélo. Alors moi, je suis super heureux parce que j'en avais pas. Vous voyez, notre premier beau vélo, ensemble. Parce que le vôtre, c'était déjà un an ou deux avant. Oui. C'était ce jour-là. Avec, c'est très émouvant, on en parlait la semaine dernière, oui, Pino Cerami. Tout à fait, oui. Il y a une photo où vous êtes entre Pino Cerami et Ferdinand Braque. Absolument. Oui. Pino Cerami qui avait gagné Paris-Roubaix en 1960 et qui depuis 1999 faisait chaque année le beau vélo jusqu'à ce qu'il parte dans l'autre monde. C'est très émouvant de voir ces photos et c'est la grande famille du Ravel qui nous donne ses souvenirs du temps passé. Ça fait vraiment chaud au cœur. Je vois Claude Delacroix aussi sur ces photos et Ivan Sevic qui avait animé la nuit du Ravel le 21 juillet. Alors tant qu'on échange les petits souvenirs, oui, oui. À Noir, je vous offre, regardez-moi ça, ce livre du beau vélo de Ravel dans lequel vous avez écrit un petit texte. Page 26, il y a chaque fois des petits autographes présentés sur des post-it, autographes signés par nos artistes avec un texte. Est-ce que vous pouvez lire ce que vous avez écrit? C'était au mois d'août 2015. Merci à toute l'équipe du beau vélo de Ravel pour m'avoir invité sur cette date de Bastogne. Au plaisir de vous revoir encore et encore. Eh ben voilà, c'est fait. C'est vrai, fait. Il revient, c'est bien. Ah ouais. C'est chouette. C'est un livre coécrit par Frédéric Thiébaud et Francis Hubin qui reprend toutes les étapes avec chaque fois les souvenirs personnels des artistes. Et ça, c'est original. On trouvera ça nulle part ailleurs, hein, Sylvie. Ça, c'est sûr. Vous étiez à Noir ce jeudi sur la scène du BSF. Vous m'avez dit, c'est vrai que le temps était un peu menaçant. Et puis après, il a fait plutôt beau. Donc il y a eu du monde. Alors, c'est pour votre deuxième partie. Participation au BSF. Oui, c'est ma deuxième participation. Bon, il n'a pas fait très beau, hein, mais disons que la pluie s'est arrêtée. Voilà, c'est surtout ça. Voilà, et, on va dire donc ça. Les gens ont quand même bravé la météo pour venir nous voir et venir voir les autres artistes. Il y avait Kezia Jones aussi et Fun Loving Criminal. C'était une super après-midi. Auteur, compositeur, funky, inspiré et perfectionniste. C'est vrai que on va de découverte en découverte, hein, avec cet artiste-là que beaucoup ne connaissent pas encore à tort. Et donc, c'est toujours un plaisir. Je crois que c'est une scène ouverte en plus ici. Vous pouvez la jouer telle que vous êtes sur une scène comme celle-ci. Bah exactement. Quand on est sur une scène, forcément il y a un public et on est là pour donner, pour prendre de l'énergie aussi et redonner cette énergie au public et ça se passe toujours super bien et voilà. En tout cas, je suis très content d'être là. Anouar, A-N-W-A-R, parce qu'il y a plusieurs orthographes, mais ça c'est, votre orthographe d'artiste, hein, Anouar. C'est un prénom adapté, c'est un prénom d'origine marocaine? C'est un prénom d'origine arabe, mais qui s'utilise dans presque tout le Moyen-Orient, l'Extrême-Orient et au Maghreb. Et c'est un prénom assez rare, mais voilà, ça signifie lumière au pluriel. Oh, comme c'est joli, lumière. Et vous êtes venu aujourd'hui avec toute la chaleur du Maroc. Vous venez de quelle région du Maroc, Anouar? Alors moi je viens du nord du Maroc, ça s'appelle Tétouan, c'est vraiment sur la Méditerranée. C'est une petite ville andalouse, reconstruite par les Maures qui sont revenus d'Espagne, et c'est très joli à visiter, à voir. Ouais, une ville chère au cœur de Moustalargo aussi. Ah, exactement. Ouais. Vous y retournez régulièrement pour arroser vos racines, Anouar? Exactement, j'y retourne de temps en temps pour j'ai encore beaucoup de famille là-bas que je vais voir et surtout profiter du soleil et de la plage quand on en a besoin. Alors on dit que nul n'est prophète en son pays, mais vous donnez quand même des concerts au Maroc aussi. Alors j'en ai donné l'année passée, j'ai fait 3 concerts là-bas, mais c'est vrai que c'est pas non plus un endroit récurrent où je vais jouer. C'est surtout en France, en Belgique. Pour le moment. On est content en tout cas de vous accueillir sur Vivacité pour la troisième année consécutive, hein. Donc on est content parce qu'on a été un peu starter au début. Exactement. Et puis aujourd'hui, vous êtes en rotation aussi sur d'autres radios, on vous entend un peu partout. On finit toujours par récolter ce qu'on a semé. Bah, je pense que le travail, c'est toujours ce qui paye. Hein. Il faut travailler, il faut croire en ses rêves, il faut aller jusqu'au bout des choses. Et puis voilà, c'est quelque chose qui... C'est une passion pour moi de partager ma musique avec les gens et de faire de la musique. Et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir être sur des scènes, que ce soit au Beauvélo de Ravel ou que ce soit dans des festivals ailleurs. Et voilà, c'est quelque chose qui se travaille petit à petit. Et je pense que ce n'est pas que dans la musique, mais dans toutes les autres choses de la vie. Quand on aime quelque chose, il faut le faire jusqu'au bout et avec amour, et ça repaye toujours et ça le redonne toujours. C'est sûr. Et puis jamais lâcher la grappe. Exactement. Votre album s'intitule Beautiful Sunrise et donc il est sorti au printemps, et j'aime bien quand vous dites que c'est un résumé de toutes les étapes différentes de votre vie, et je pense que c'est ça qui nous parle aussi à Adrien et moi. Vous vous êtes inspiré des gens que vous avez croisés sur votre route, des sentiments que vous avez eus à leur égard. Vous dites, c'est une photographie du monde à travers mes yeux. C'est ça. Beautiful Sunrise, c'est un album qui a été écrit sur dans différents endroits. Ah oui, en plus. Que ça soit un café à Casablanca ou je sais pas, une terrasse à Barcelone, ou en voyageant ou en se promenant au centre-ville de Bruxelles. C'est comme au moment où vous êtes, ce qui vous inspire, quoi. C'est le moment. C'est vraiment parfois des déclics comme ça. On voit des choses et on se dit, ah tiens, et puis après ça nous inspire une histoire, et c'est vraiment ça. C'est des photographies de moments, d'instants qui racontent l'histoire que de tous les jours, que tout le monde peut vivre. Mmh, voilà, mmh. C'est de l'amour, c'est des moments difficiles aussi, c'est de la solitude, c'est plein de choses qu'on peut retrouver dans cet album. Et vous serez en tournée à partir du mois d'octobre en France? Oui, c'est ça. En fait, on a pas mal fait pas mal de premières parties cette année avec pas mal d'artistes en France surtout. Et puis voilà, on reprend à partir du mois d'octobre avec Zaz, Boulevard Désert, Jane, Yuri Buenaventura. Ouais. Et voilà, ça sera surtout en France et en Suisse. Et je pense qu'on a aussi pas mal de petites dates ici en Belgique. Et voilà, j'espère qu'on retrouvera nos auditeurs, en tout cas belges, dans les concerts en Belgique. C'est génial. C'est génial. Et on en retrouve même en Suisse, et parce que de temps en temps, je dis, je viens de Belgique, en Suisse ou en France, et puis t'as des gens qui vont, ok, d'accord, vous venez de loin. Eh bien, très bel été et à tout bientôt à Noir. Oui. Merci beaucoup, merci de me recevoir. Et puis, comme les ravelistes auront l'occasion de vous entendre ici, pour ceux et celles qui ne sont pas là, eh ben, on vous programme aussi dans cette heure-ci. C'est pour ça qu'on vous entend tout de suite, qu'on vous écoute tout de suite à Noir. Merci, et à tout à l'heure sur scène donc. Au revoir. Baby, you know that I love you. I know that you love me too. Yeah, I know you do. And dark outside,

sur Vivalent ce samedi après-midi en direct de Namur. Nous sommes depuis ce matin, depuis hier même, déjà pour vous Adrien. Alors c'est vrai, comme vous l'avez dit, elle détient la palme d'or en matière de fréquentation, en matière de fidélité sur le beau vélo, en deux lettres, BG Scott. C'est vrai, on les a même pas comptés, les participations, ah, mais c'est... Moi si j'en crois le livre du beau vélo de Ravel que je regarde, il est marqué page 66, c'est signé de la main de Beverly Joe Scott, I love beau vélo de Ravel, BG Scott, 17 fois, toujours génial. C'est incroyable, êtes, c'est vrai. 17 fois, donc vous êtes venu, il y a une ou deux années où vous n'êtes pas venu, mais sinon 17 plus cette année-ci, on va dire 18, donc pas mal, médaille de la fidélité, c'est vrai, toujours sur la route. Ouais, ouais, ouais. Tout à fait. Et pourtant, avec elle, on en apprend chaque fois. Oui, c'est vrai. C'est une jeune femme qui est née à Mobile, c'est pas un hasard pour quelqu'un qui bouge beaucoup, qui est Audie Sulvoy, être née à Mobile, déjà c'est incroyable. Et alors j'ai appris la semaine dernière, je ne savais pas, que c'est en faisant un concert dans le sud de la France, du côté de l'île sur la Sorgue, que vous avez rencontré le parolier, qui est aussi le compagnon de Dave, le mari de Dave. Oui, Patrick Oiseau. Ouais, et qui vous a écrit des chansons en français pour un album d'Ivague. Oui, et c'est vraiment génial cette histoire. J'étais contente de voir Dave sur les derniers le dernier que moi j'ai fait il y a deux semaines, quoi, quelque chose comme ça. C'était génial parce que je me suis dit, tiens, il va pas s'en souvenir de moi, mais tout de suite dans mes bras, comment tu vas, big bisou de Patrick, ah, cool, man. Et on s'est rencontrés dans une soirée par hasard, on a papoté et puis tout d'un coup il m'a envoyé des paroles et je les adore, ces paroles, elles sont vraiment, ouais, vraiment, vraiment très bien. Avant d'aller un peu plus loin dans l'interview, on va aller sur la scène. Ok. Et vous allez essayer de me dire qui chante pour l'instant. Écoutez. Super. Ce sont pas les Gypsy Kings. Non, c'est chants de cigales. C'est encore plus chouette. C'est maman profond, avec son fils qui chante avec le cœur. C'est Boris, c'est Brigitte qui chante ensemble, qui me donne les larmes aux yeux, comme ils ont fait à The Voice pour son blind. Magnifique. Alors Boris, c'était il y a 2-3 saisons. Et Tima, hein, son nom d'artiste, Brigitte. Tima. Ouais, c'était tout récent, ça. Hein. Oui, c'était la saison passée. Ils nous avaient bouleversé, tour de rôle, l'équipe. En plus, sa présence est juste fantastique. C'est bonne femme, est solaire, elle est magnifique. J'adore. Elle rentre des Sainte-Marie de la Mer où elle a assisté et chanté lors du pèlerinage des Gitans. Ce sera encore le cas ce 15 août là-bas. Et on sent qu'elle est fort adoptée, appréciée par toute cette communauté. Hein. C'est une femme qui est extrêmement élégante dans sa façon de parler. Elle chante en russe, elle chante en espagnol. Elle vient de me dire qu'elle apprend le portugais. Donc il n'y a pas d'âge, il n'y a pas un moment de continuer à s'enrichir. Moi, je ne peux pas dire assez du bien de Tim. Ouais, voilà. Qui a fait la première partie de plein d'artistes et qui a aussi chanté avec Claude François. Donc, dans le temps. Oui, Claude François et Charles Aznavour. C'est comme vous, hein, on le répète pas à longueur d'interview, mais vous avez chanté avec Eddie Mitchell, avec Alain Souchon, avec Pierre Rapsat. Vous avez chanté avec beaucoup de monde, BG Scott. Oui, j'étais vraiment très chanceuse au travers de ma carrière et ça ne s'arrête pas. Donc, yay, la vie est belle. Ah oui, la vie est belle. Moi aussi. Ouais. Et aujourd'hui, ce sont vos talents qui, dans quelques années, dans longtemps, hein, diront, j'ai pu chanter avec Bee Gees Scott. Voilà, j'ai pu faire mes premiers pas avec Bee Gees Scott. C'est vrai que quand vous chantez avec Laura, par exemple, ça aussi, ça dégage. Hein. Laura, c'est la dernière, donc c'est celle dont on parle encore beaucoup en ce moment. Et c'est vrai que quand vous êtes ensemble sur scène, waouh, il y a eu toute une énergie aussi qui se produit. Hein. Ça, c'est authentique. C'est une fille qui a vraiment mérité cette place de gagnant dans cette émission. Et elle va aller loin, j'espère. En tout cas, elle chante comme une folle, quoi, comme un baraque. J'aimerais qu'on revienne un tout petit peu sur la Provence, sur le Luberon, où nous irons, nous, avec l'échappée belge au mois de septembre, avec les gagnants de cette émission. Qu'est-ce que vous avez ressenti en allant dans cet endroit qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie, là-bas dans le sud? Oui, dans le sud de la France, il y a vraiment des coins, particulièrement le Luberon, où il y a une odeur, il y a un côté qui rôtit. On sent que ça a vécu dans le soleil, cette terre. Il y a quelque chose de c'est presque gourmand, de rien de humain. Le Luberon, c'est très très beau et je suis jalouse comme tout. Et content pour les gens qui vont se retrouver. Ouais, ouais. Cela dit, vous êtes venu avec nous lors du Ravel du bout du monde au Cameroun. Qu'est-ce que vous ressentez de cette expérience de 8 jours avec une bande de fous? C'était génial. Hein. Tu sais, j'ai fait encore des rêves. Il y a des moments, ça m'a tellement imprégné. J'ai encore des scènes comme ça qui entrent dans mes rêves, comme un film, quelque chose que j'ai vécu. Et une fois de plus, ça m'a enrichi et peut-être même un petit peu changé ma vie aussi. C'était assez important. Aux racines du blues, hein, de cette musique qui a traversé l'Atlantique après pour aller chez vous en Alabama, aux États-Unis. Oui, évidemment, mais j'avais des moments où j'étais une fois de plus, c'est comme les chansons, le sud, on peut être n'importe où sur la terre, il y a quelque chose qui nous transperce, qui nous traverse et on l'emporte ça avec nous partout, quoi. Ouais. On retourne un petit peu sur scène. Oui, en parlant du sud. Écoutez. Est-ce que ce monde est sérieux? Andalousie, je me souviens de prairies bordées de cactus. Je vais pas trembler devant ce pantin, c'est minus. Je vais l'attraper et son chapeau lui fait tourner comme un soleil. Sois la femme du torero, on ira sous ses deux oreilles. Ce monde est sérieux. Est-ce que ce monde est sérieux? J'en ai poursuivi les fantômes. Bref, nous toucher le Paris. Ils ont frappé fort dans mon cou pour que je m'incline. Sans des doutes, ces acrobates avec leur corps cible de papier. Je n'ai jamais appris à me battre contre des poubelles. Oh, jusqu'à la dernière corde. Ah oui, on n'allait pas se priver de ça. Mesdames et messieurs, nous avons la chance d'avoir avec nous Boris Cabrel. Boris Mott. Boris Cabrel. Avec pas sa mal, maman, pas mal. Avec sa maman Brigitte. Quel bon moment de radio. Hein. Ah oui, c'est fabuleux. Imagine, c'est de chez nous, quoi. Quelle richesse qu'on a dans ce pays de Belgique. C'est diversifié déjà. En plus, sous le soleil. Ouais, ouais. BJ Scott qui regarde avec beaucoup de tendresse ses anciens talents, mais toujours proches hein, du cœur, Boris et sa maman, ici sur la scène du Beau Vélo de Ravel. Nous sommes installés sur la citadelle de Namur, à l'esplanade des Jeux, ici même où Johnny Hallyday a chanté il y a 2 ans. Il y a de l'espace, il y a de la place, il y a du monde. Vous allez vous régaler à votre tour dans une petite demi-heure, BJ Scott, avec d'autres talents encore. Ah oui, il va avoir évidemment Laura, qui est la gagnante, qui va être là, mais aussi Carmen, qui était ma finaliste l'année passée. Et puis, il y a Arnaud Stume, qui va venir faire un peu du rap, un peu de choses. Il est de Namur, hein. Il est du coin. Hein. Ah oui, il est du coin en plus, ouais. C'est vrai. Moi, je perds un petit peu d'origine de tous ces gens. Et puis, il y a le formidable et élégante Mila Brune qui sera avec nous sur scène aussi. Ouais, bien, bien. Dépêchez-vous, vous devez terminer à 18h45 parce que je vous attends pour mon plat préféré tout à l'heure. Ah oui, ah, ouais. Ah oui, c'est vrai. Ah, apparemment, c'est une petite surprise que BJ vous a fait. Oui, lors de l'enregistrement de l'émission qu'on a tourné ici. Pas loin, dans mon jardin, et puis au jardin d'en bas, en haut. BJ est arrivé. Avec sa guitare, par surprise. Et oui, et nous a chanté du Mouloudji à tirer les larmes. C'est vraiment c'est un très, très beau moment d'émotion que je vous invite à regarder. À voir ce soir. Ouais, avant le JT, hein, à partir de 18h45 sur la Une. Ouais. Dans mon plat préféré. Ben voilà, c'est quoi votre plat préféré finalement? Eh bien, c'est un. Alors là, BJ a goûté parce que BJ a eu peur quand j'ai annoncé le plat. J'ai dit des boulets. Elle a dit non, pas des boulets à la liégeoise. J'ai fait The Voice pendant 6 ans. Ce ne sont pas ces boulets-là. Non, moi j'avais des boulets à la malonoise. Oh, oui, avec la Philomène, une bière de mon village, brassée dans son ancienne église, la brasserie du clocher. Et bon, je ne sais pas le verdict. Le verdict, c'est c'était tellement bon, se battait un petit peu pour les derniers boulets. De les couper en mille. C'était génial. C'est plutôt bon signe. C'est plutôt bon signe. Et Perry Rose est venu aussi à la fin nous faire une autre petite chanson. Il y a un duo Perry Rose et BJ Scott. Ça dépasse donc les frontières gastronomiques. Oui, quoi, oui, hein. Oui. Très bien, à voir ce soir, donc juste avant le JT, comme vous l'avez dit. Merci BJ, à tout à l'heure sur scène. Maintenant je vais rejoindre mes musiciens. Oui. See you later. Tout à l'heure. Le Beau Vélo de Ravel avec notre partenaire Electrabel. Electrabel et Kito sont prêts pour de belles balades au Beau Vélo de Ravel. Feuille morte, tout l'hiver tu es resté, gorgé d'eau sur ce sentier. Et quand le printemps revient, promeneur sur le chemin, feuille morte. Tu te tiens en embuscade pour faire glisser en cascade Jules et son vélocipède. Oh, je crois qu'il a besoin d'aide. Voilà pourquoi les AP Assurances vous proposent l'assistance vélo. Une assistance 24 heures sur 24 pour toute la famille à 60 euros par an. Plus d'infos sur lap.be. Les AP Assurances, toujours à vos côtés. Ceci est un produit d'assurance d'AGA International SA Belgian Branch. En télé sur la Une. Qu'est-ce qui t'a rangé ça? C'est moi encore. C'est pas la bonne. Non, hé, y a pas de bonne ici. Une femme d'intérieur désespérée cherche un sens à son existence. Alors qu'est-ce que vous faites, vous, mon chou, comme travail? J'étais prof, mais j'ai arrêté. La vie domestique avec Emmanuel DeVos, lundi soir sur la Une. Est-ce que l'on voit? est-ce qu'on entrevoit ? Alain Souchon et Laurent Voulzy, derrière nos mots, derrière nos voix, Adrien, chaque samedi, ben, il y a ça, évidemment, il y a cette image qu'on a devant les yeux, cette image de Ravelis et de non-Ravelis, la grande communauté du beau vélo de Ravel qui se réunit. Aujourd'hui, évidemment, les conditions sont là, hein, le lieu est magnifique, la météo est splendide et puis les artistes aussi qui ont commencé à se produire mettent vraiment une énergie extraordinaire. Et, voilà. Oui, et on le ressent. Nous sommes bénis des dieux, hein, le bon Dieu est si clos, hein, vraiment. La semaine dernière, un site prestigieux, le Grand Ornu. Oui. Aujourd'hui, ben, la plus grande citadelle d'Europe, Namur, qui accueille cette 8e étape de l'été 2016. Avec, mais moi je suis fier d'avoir des auditeurs comme ça, des auditeurs qui sont affrontés. On va commencer par présenter le, allez, je vais pas dire le vétéran, l'aîné. Oui, bonjour, Jean Baguette. Ouais. Donc, ben, je suis heureux d'avoir participé jusqu'à ce jour à toutes les épreuves, sans savoir le résultat. Mais bon, je le connais. et je dois dire que j'ai eu l'honneur de rouler avec Karine Van Puyven, qui est 6 fois médaillée paralympique. Et j'arrive à 146 900 km en tandem depuis le début de ma carrière tandemiste. Vous avez fait une dizaine de fois le tour de la Terre, donc c'est incroyable. Rien que cet été, racontez-nous votre mois de juillet. Bien, le mois de juillet, j'ai suivi toutes les étapes du Tour de France. Je suis parti du Mont-Saint-Michel, et, sauf l'Andorre, mais j'ai fait toutes les étapes. Et tous les soirs, j'attends le lendemain matin de voir passer la caravane, de voir passer les coureurs, et puis on repart pour l'étape suivante. Et ensuite, je suis allé à Dijon, à la semaine fédérale cyclotourisme, où j'ai fait la 800 km en vélo. Vous avez été vacciné au rayon de bicyclette, vous ? Ah oui, oui, certainement. Et mon petit-fils aussi, d'ailleurs, parce qu'à 10 ans, il est déjà dans un club cycliste et il fait la compétition. À entendre votre voix, une petite pointe d'accent, on a tous un accent, hein, c'est notre racine, ça. Vous viendriez de l'est du pays, que ça ne m'étonnerait pas, je dirais même province de Liège. Eh bien oui, hein, je suis verviétois. Pas d'Isonais, mais vers Petit Rochin. D'accord, il me semble bien que c'était l'accent de Petit Rochin. Est-ce qu'on peut écouter, on fait durer un peu le suspense, ce qui se passe sur scène pour l'instant, avant de présenter François. Est-ce que ce serait pas à moi ? Ah oui, à moi. Je ne crois pas ça au plus vite. Quel timbre de voix, hein, assez particulier, à noir. A-N-W-A-R. Retenez bien son nom. Magnifique. Dans 10 ans, c'est une star mondiale. Moi, je mets tous les paris sur ce garçon. Il est bourré de talent. On l'aime beaucoup. Et depuis 3 ans, voilà, on aide à le promotionner, oui, sur Vivacité. Alors, on vous a présenté Jean Baguette. Oui. En face de Jean, il y avait François. François, rebonjour. Bonjour Adrien. Il a exactement la moitié de l'âge de Jean. Jean qui va sur son 70e printemps. François qui vient de passer les 35 ans. François, 36. Ah, 36. Attention, à cet âge-là. C'est sympa. C'est sympa. À cet âge-là, on se vieillit un peu. Moi, je suis plutôt pour mettre un an en moins pour l'instant. François, qui est un sportif aguerri. Vous êtes déjà venu vous présenter pour le Ravel du bout du monde il y a quelques années. Ça remonte déjà à 2004. C'était pour l'édition du Sénégal. Ouais. C'était le casting d'Aubel. Effectivement, j'étais venu, j'avais eu la chance de vous rencontrer, vous et Sylvie, et ça s'était arrêté là. Ouais. Donc on n'avait pas été plus loin. Vous aviez pris un jour de congé parce que vous étiez en plein blocus. Congé, j'avais brossé les coups. Pour vous présenter au casting, c'était du côté d'Aubel. Oui, c'est ça. À l'abbaye d'Aubel. Hein. Ouais. Vous n'avez pas réussi, mais ça ne vous a pas dégoûté ? Non, ça ne m'a pas dégoûté. Voilà. Il s'est laissé grandir, voilà. Et puis voilà. Et donc il s'est dit, on y va. Ouais. Côté professionnel, parce qu'on sait que Jean a travaillé dans la boucherie, votre formation et votre parcours professionnel à vous, François ? Moi, j'ai fait des études d'agronomie à Jean Blou. Ouais, ça se rejoint un peu, alors l'élevage, l'agronomie. Ouais. Ouais. Ben, en plus, j'ai fait l'option élevage, c'est vraiment en lien avec effectivement mon concurrent et son métier de boucher. J'ai travaillé d'abord 3 ans dans la grande distribution chez Deleuze, et puis comme vous l'avez dit, je suis sportif, donc je suis passé pour dans une autre grande enseigne sportive. À fond la forme. Exactement. Oui. Et maintenant je suis quand même retourné à mon expertise d'agronomie, et je suis à la fonction publique à la DGO3. Ah, ici à Namur, alors. Direction générale de l'agriculture, de l'environnement et des ressources naturelles. Alors, on a assez tourné autour du pot, on a assez fait monter le suspense, on va donner maintenant les résultats. Il y avait un défi sportif. Vous l'avez dit, François, vous êtes sportif, vous avez marqué 10 points, vous avez fait le maximum lors de ce défi escrime, anti-escrime, vous étiez tous les deux en fauteuil roulant. Quant à vous, Jean, vous avez marqué 5 points. Il y avait aussi un quiz culturel sur la région Namur, sur Vivacité et sur les artistes du beau vélo de Ravel. Jean a marqué 2 points et vous, François, 7 points. Il y avait le pump track à l'arrivée. Ah là, c'est presque un ex-aequo. Jean, 2.8. François, 3 points. Jean, il n'y a pas photo, vous le pressentiez ? Ben oui, je suis déçu, mais que le meilleur gagne. Et voilà. Félicitations à François. François qui gagne et qui est applaudi par le fan club de Jean. Ce sont vos supporters qui applaudissent. Voilà, si vous voulez, il faut applaudir aussi bien pour la défaite que pour la victoire. Hein. Ça, c'est beau, c'est noble, c'est fort. Merci beaucoup, Jean, pour ce fair play. Mais Jean ne perd pas tout, Michel. Eh bien non, Jean ne perd pas tout, et donc il va pouvoir occuper le restant de sa saison d'été et même tout l'hiver, puisque 365.be est très heureux de lui offrir un passeport touristique pour visiter toutes les attractions touristiques de Wallonie et de Bruxelles. Et comme vous êtes retraité, vous avez le temps ? Oui, quand même, un peu. Hein. Un petit peu, oui, malgré tout. Je pourrais consacrer certains week-ends et partir avec le camping-car et aller, voilà, passer des week-ends dans les parcs ou attractions. Ouais, vous pouvez aller partout, il y en a 365, c'est magnifique. Et François, félicitations. Un tout grand merci, ça me fait vraiment très plaisir. Et je tiens quand même à souligner vraiment le fair play et le côté très très très sympa de Jean, avec qui j'ai fait connaissance hier. Et c'était vraiment un plaisir de s'affronter. Effectivement, on a participé à un concours, il fallait un gagnant, un perdant, mais c'était très sympa. Eh ben, bravo en tout cas pour cette journée et puis ce départage qui vous unit quand même jusqu'au bout. Merci. À dans quelques instants pour la fin de l'émission. Dis chérie, c'est une tartine à la confiture ou de la confiture à la tartine que tu dévores là ? Ah, je sais, oui, mais la confiture materne, c'est trop bon. Merci les fruits. Merci materne. Et oh, n'oublie pas de m'en laisser un peu quand même, hein. Ce week-end, les matchs de la Jupiler Pro League sont en direct sur Vivacité. Ce samedi, dès 18h, Charleroi, La Gantoise et Westerlo-Eupen. Et dimanche, dès 14h, Zulte-Waregem, Standard et Ostende, Moucron-Péruée. Viva Sport, le sport en direct sur Vivacité. Le beau vélo de Ravel. As sly as a fox, as strong as an ox, as fast as a hare, as brave as a bear, as free as a bird, as neat as a word, as quiet as a mouse, as big as a house. As a wolf, as sharp as a tooth, as deep as a bite, as dark as the night, as sweet as a song, as right as a wrong, as long as a road, as ugly as a toad, as pretty as a picture. As a tree, as scary as the sea, as hot as fire, cold as ice, sweet as sugar and everything nice, as old as time, as straight as a line, as royal as a queen, as Everything at once, Lenka, sur Vivacité, dernière chanson programmée en direct de Namur. Depuis ce matin, nous sommes bien en spio en direct de la citadelle de Namur pour cette 8e étape réussie. Parce que là, c'est l'heure un peu de tirer des bilans déjà pour la balade. Une vraie réussite, une vraie belle énergie qui s'est dégagée. Et nous n'en resterons pas là puisque c'est la 8e des 13 étapes programmées cet été 2016. La semaine prochaine, Adrien, rendez-vous à Arlon. Oui, la ville la plus méridionale, la plus ancienne aussi de notre royaume, avec Tongres. Nous aurons une heure d'or d'avance en province de Luxembourg. Alors n'ayez pas peur, on dit Arlon, vous dites oulala, l'Ardenne, ça va être super vallonné. Non, pas du tout, c'est la même difficulté que Namur, 3 roues sur 5. C'est un parcours de 23 km avec une incursion dans le Grand-Duché de Luxembourg. Vous pourrez passer la frontière et puis revenir par les petits villages de Clairefontaine et de Kirch. Et au niveau des artistes sur le podium, donc en showcase. Vous ne serez pas déçus, c'est un enfant du pays que nous avons invité, le fils du boulanger d'Arlon, Jean-Luc Fonck. D'accord. Jean-Luc Fonck sera des nôtres donc la semaine prochaine. Rendez-vous est déjà pris dans quelques instants en direct du BSF. Marc Vernon et toute son équipe qui va vous faire découvrir aussi une affiche formidable qui se déroule là-bas. Donc Namur dit bonjour à Bruxelles et merci à tous de nous avoir suivis. Passez un excellent week-end, à la semaine prochaine. Ici la capitale de la Wallonie, à vous la capitale du Royaume, après le journal. Merci Sylvie, bye. Super. Bye. Ciao, ciao. Tout Vivacité à la demande est sur rtbf.be/ovio. RTBF Ovio, libérez vos envies.